Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui lit le wiki pour s'y retrouver un peu mieux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Salut. Alors messieurs, on commence d'abord par présenter nos plus plates excuses à la France, puisque nous avons quelques jours de retard. Et au reste de la francophonie. Et voilà, aussi en Belgique, au Québec, partout où vous pouvez nous écouter en français. Voilà, on est désolé, on a quelques jours de retard. Benoît, tu as peut-être quelque chose à dire aux gens? Voici un bus, voici Benoît en dessous. Et oui, effectivement, j'étais parti quelques jours à la mer et du coup, ça a décalé la préparation, ça a décalé l'enregistrement et patatras, patatras. Voilà, les gens qui prennent, chaîne, qui prennent des vacances alors que c'est pas les vacances et voilà. En et voilà, où on en est. Plus de ça. Voilà, ouais. L'effet papillon, voilà. Benoît, il part et les Suisses, ils sont pas contents. Voilà. Mais néanmoins, malgré tout, nous sommes là et nous sommes là grâce à qui ? Grâce à vous qui nous soutenez sur Patreon. Vous êtes, ça y est, c'est une nouvelle vague qui est arrivée. Merci de nous rejoindre, de nous aider à pérenniser cette émission. Voilà, il suffit d'aller cliquer sur le lien qui est dans la description, le petit Patreon, la petite CB, le petit PayPal, et vous pouvez nous aider. 1 euro par épisode, 2 euros par épisode, voilà, vous faites comme vous voulez. 10 euros par épisode. Vous pouvez aussi, qui dit mieux. Voilà, merci énormément. Cet épisode n'a pas de sponsor, mais néanmoins, il se trouve que la personne qui a causé le retard de cet épisode, eh bien, tu vas sortir, ça y est, il y a on la date. On l'appelle le bouc émissaire. tu vas sortir un nouveau livre, yes, Benoît, enfin. Sur Plague Tale. Ouais. Alors, c'est un livre qui est un... A visual making of. Donc... C'est un livre avec des images. Il y a du texte et des images dedans. Ah, ouf. Ça, c'est quand on a la date. Et oui, du coup, maintenant, on sait, ça sortira le 18 octobre, en même temps que Plague Tale Requiem, puisque, voilà, c'était un peu le gros secret de ces trois dernières années, c'est trois vrai. Longues c'est années. C'est vrai qu'on où... sait, on t'a ouais. suivi. Et d'ailleurs, on a fait l'épisode sur Plague Tale, oui. Alors que j'étais déjà sous le secret le plus incroyable de tous. Parce que, alors tu dis le secret, parce que t'as vraiment pu accéder à énorme, vraiment, tous les coulisses de la fabrication en fait, du jeu. Oui, en fait, j'ai suis allé chez Asobo en octobre 2019, et après, une fois tous les mois et demi, donc quasiment à chaque milestone qu'ils faisaient, on faisait une grosse réu sur Skype, parce que bon, Covid, tout ça, et j'ai pu voir le jeu Requiem vraiment de A à Z quasiment. Donc voilà, ça sort chez la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. J'ai pas le droit de dire le nom, il n'y a pas de sponsor. Mais pas que. Je ne peux pas dire le nom, mais bon, vous savez. Mais moi je suis obligé de dire mais pas que. Oui, en plus, je l'avais raté la dernière fois. Oui, il était vexé. Ah, vous auriez vu ses yeux qui m'avaient. J'étais pas bien. J'aime bien, c'est loué arbitrage, on n'a pas le droit de dire un non, nom quand c'est un évidemment, bien sûr qu'on a le droit de dire que ça sort chez Third. La date, encore une fois, c'est 18 octobre. Voilà, donc, et vous pouvez précommander, ou plus maintenant. Je crois que c'est terminé, du coup. Et oui, au moment où l'épisode sort, c'est terminé. Au moins, vous êtes au courant, voilà. Mais par contre, l'édition normale, elle est dispo d'ores et déjà dans toutes les bonnes librairies. Ah bon, c'est déjà dispo, l'édition normale? En précommande. Ouais, j'imagine qu'on peut déjà le commander, quoi. Très bien. Et voilà, donc ça, c'était pour les news de notre équipe. Mais aujourd'hui, on ne part pas dans la France du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on part au Japon, on part au pays de la Ouibri, puisqu'on va parler de 13 sentinelles Aegis Rim. Je le prononce en latin. Aegis Rim, ouais, Requiescat in Pace. Non, ça c'est Rim, le fameux mot rim, latin. Le Rim, ouais. Oui, le cercle, en latin. Donc, on va d'abord, comme d'habitude, s'écouter un petit morceau. On a choisi tout simplement la musique du menu principal. Voilà, quand vous lancez le jeu, on s'écoute ça et on démarre ce nouvel épisode. Thank you. Alors, 13 Sentinels Aegis Rim, et cette fois-ci je le prononce à l'anglaise, c'est sorti le 22 septembre 2020 chez nous sur PlayStation, et puis c'est sorti là très récemment sur Switch, c'était le 12 avril, donc voilà les deux plateformes sur lesquelles vous pouvez jouer à ce jeu. C'est édité par Atlus, et éditeur japonais iconique. J'ai le droit d'utiliser le mot iconique cette fois-ci pour Atlus, Maxime ? Oui, je l'utilise, je le dis. Et c'est développé par VanillaWare, un studio iconique, je ne sais pas, mais en tout cas qui est peut-être pas si connu que ça dans nos contrées. Et on va donc, bah, comme d'habitude, revenir un petit peu sur l'histoire de ce studio. Alors, la personne clé, le nom clé à retenir pour VanillaWare, c'est George Kamitani, un développeur japonais qui a commencé sa carrière comme tous les développeurs japonais, c'est-à-dire chez Capcom. Il était. C'est pas vrai. Hein, oui. Non, c'est pas vrai. Il y en a certains, chez Nintendo. Voilà, qui commence chez Nintendo ou Square Enix. Ça dépend, c'est possible. Chez Capcom, c'était dans les années 80. Il est pixel artiste, donc il va vraiment commencer à travailler sur les visuels des jeux. Mais très rapidement, il va gagner du galon et il va devenir producteur sur des jeux en 2D. À scrolling horizontal, bah, ce qui restera globalement... ce qu'on appelle les jeux des années 80 et 90. Oui, oui, mais en tout cas, c'est ce qu'il fera quasiment tout au long de sa carrière. Oui, oui, et qu'il fait encore aujourd'hui, d'ailleurs. Il va commencer même à diriger un premier projet. Il va partir de chez Capcom, il va aller bosser dans un studio, ils vont faire un projet pour Sega. Malheureusement, ce petit studio japonais, eh ben, il va faire faillite, donc le projet s'est abandonné, mais récupéré justement par Atlus. Il y aura quelques miettes du studio qui sont récupérées, dont George Kamitani, et il pourra faire son premier jeu qui s'appelle Princess Crown. Malheureusement, les ventes ne sont pas très positives et Atlus, qui avait ouvert une succursale qui était Atlus Kansai pour l'occasion, va fermer directement la succursale et George Kamitani va se retrouver de nouveau un peu en S et il va devoir essayer de retrouver des financements, en tout cas pour continuer à développer des jeux. C'est cette fois-ci Enix en 2002 qui va lui donner sa chance pour cette fois-ci de travailler un autre jeu. Est-ce que j'ai noté le nom, c'était Fantasy Earth. Qui était un RPG, j'imagine, chez Enix, je prends pas trop de risques. Non, a priori. Oui, a priori. C'était un peu leur, c'était leur grosse cam. Hein. Et puis, vous le savez, au début des années 2000, il y a eu la fusion avec Squaresoft, donc c'est devenu Square Enix. Du coup, le petit studio de George Kamitani, il est de nouveau mis de côté, parce que de toute façon, en plus, la prod apparemment se passait pas très très bien. Le studio qui s'appelait Puraguru, voilà. Ça devient VanillaWare, on me demandait pas pourquoi. Et donc, il avait gardé en fait ses contacts alors, chez Atlus. Alors, je crois. Ah, tu as l'info. J'ai l'info, c'est aussi. Parce qu'il aime le goût de. Parce que le goût parfum de vanille, c'est universel, je crois. Exactement, un truc comme ça. C'est parce que tout le monde aime le goût de la vanille. Et voilà. C'est quelqu'un de simple, George Kamitani. On aura l'occasion de le revoir. C'est vrai que c'est quelqu'un qui prend des décisions sur des trucs assez simples. À la fois simple, mais aussi très compliqué. Tout le monde aime la vanille ici, d'ailleurs, c'est universel. Oui. Si vous n'aimez pas la vanille, dites-nous-le sur le Discord. D'ailleurs, à nous trois, nous représentons l'humanité. Oui, nous sommes un échantillon tout à fait représentatif. Donc, bref, VanillaWare. Il avait gardé, c'est ça, chez Contact, chez Atlus. Ils arrivent du coup à leur débloquer des fonds pour faire leur premier jeu qui s'appelle Odin Sphere. Le truc, c'est que le jeu en fait était prévu pour sortir en 2006, mais entre temps, Atlus, ils ont sorti un petit jeu qui s'appelait Persona 3. Mm-hmm. Ça a tellement cartonné qu'ils se sont dit, on va garder. En fait, c'est même pas qu'il était. C'est même pas qu'il était prévu, c'est qu'il était prêt pour sortir en 2006. Ouais. En fait, le jeu était terminé. Ça, c'est on l'a noté parce que c'est assez inhabituel d'avoir des studios qui ont un jeu prêt. Je suis même pas sûr d'avoir d'autres exemples. En tout cas, là, fin du game, je sais qu'on n'a jamais eu ça effectivement. Sûr. Donc Atlus qui, en fait, Persona 3 marchait tellement bien effectivement qu'ils se sont dit gardez ça en stock et on le sort quand on aura de nouveau besoin de rentrer un petit peu de trésorerie. Et pendant ce temps, en quelques mois, ils vont développer un autre jeu qui s'appelle Grim Grimoire et qui lui sera une sorte de jeu de stratégie mais en 2D, encore une fois en side scrolling horizontal comme ça, qu'intégrait comme ça des éléments de RTS parce que c'est très léger. Ouais, c'est super léger. À noter que une partie de l'équipe était très amatrice de StarCraft. Ouais, petit jeu, voilà. Vous l'avez pas vu, mais il y a ses yeux qui sont illuminés d'un coup. Non, c'est pas vrai, il a regardé ça parce que, apparemment, c'est peut-être pas au niveau de StarCraft. Je sais pas, j'y ai pas joué, mais en tout cas, quand tu m'as dit ça en parlant mais de est-ce que c'est pas StarCraft 2 plutôt le jeu qui. Le jeu du cœur. Non, là, c'était à cette époque-là, je pense que c'était plutôt StarCraft. Mais tout ça pour dire que ils avaient déjà développé un jeu qui était un petit peu dans un délire RTS. Mais c'est pas un jeu qui fonctionnera énormément. En revanche, leur jeu d'après, c'est peut-être celui qu'on connaît le mieux, j'imagine, avec Odin Sphere, c'est Muramasa. Il est plus connu, ouais. C'était sorti sur Wii en 2009, puis c'était quand même assez connu pour son esthétique. Ouais. Là, pour le coup, ça se passait au Japon. On jouait des petits guerriers avec des petits sabres et des ça sautait démoniaques, dans tous les sens. Il y avait des démons, ça. Etc. Ça reprend prenait globalement une structure très proche de celle d'Onen Sphere, on restait sur du jeu d'action. C'était du beat'em all 1-2D, ouais, peut-être qu'on peut en parler, parce que c'est ça aussi vraiment à la base l'ADN du studio, c'est vraiment ça. C'est l'action, parce qu'Onen Sphere c'est pareil en fait, il y a déjà un délire un petit peu de narration fragmentée comme on peut retrouver dans 13 Sentinels, mais on reste quand même dans des jeux avec beaucoup de combats, du combat aérien, des contres, une grosse emphase sur tout ce qui est combo, scoring, etc. Et ils ont gardé ça dans Muramasa, ils ont poussé le truc encore plus loin après en 2013 quand il y a du coup Dragon's Crown qui sort. Ils ont sorti d'autres jeux, hein. Il y a des jeux qui sont sortis qu'au Japon, donc on les a pas forcément mentionnés. Il y avait Grand Knight Historia sur PSP qui est sorti en 2011 lui, voilà. C'est ça, voilà, ils ont sorti deux autres jeux. Moi je connais pas, mais c'est sorti qu'au Japon, donc c'est pour ça. Le jeu qui a le plus marché en fait en termes de vente, c'est effectivement Dragon's Crown, qui est sorti en 2013, qui lui est un mix entre un, on va dire, un Street of Rage et Diablo. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du beat'em all, mais il y a des jauges et des objets à looter. Forcément, ça marche mieux. C'est donc un de mes jeux favoris. C'est vrai ou non? Non, mais j'adore. J'y ai passé énormément de temps. Malgré l'esthétique un petit peu... Ah bah ça, c'est particulier. C'est olé, vrai que le jeu japonaise. Le jeu a fait parler beaucoup de lui. Il faut savoir qu'en 2013, c'est la période du Gamergate et le MeToo arrive un peu après. Et c'est vrai qu'il commence à avoir une prise de conscience là-dessus. Dragon's Crown était parti dans un gros délire d'esthétique heroic fantasy très inspiré d'artistes occidentaux. Oui. Il faut le savoir. Hein, ouais. C'est pas eux qui se sont dit voilà, et forcément il y a cette fameuse sorcière qui a une poitrine je sais pas s'il y a assez de lettres en vrai il y a même plusieurs persos, des poses et tout, mais le truc c'est que il est pas pire ou mieux, c'est pas un concours du meilleur ou du pire jeu, mais comme tu as dit, il sort à un moment où on commence à questionner le jeu vidéo et ça devient l'exemple en fait qu'on comprend. Oui, du coup, c'est vrai qu'il a été un peu, pas stigmatisé parce que j'aime pas forcément ce terme, en tout cas, il a été pris en exemple pour illustrer les dérives qu'on peut avoir dans les jeux vidéo. De toute façon, si vous tapez Dragon's Crown sur Google, vous verrez, moi c'est une image que je savais pas que c'était tiré de ce jeu, mais je connaissais l'image tellement elle est un petit peu caricaturale. Petit canaillou. Non, c'est pas trop mon délire. On n'avait pas prévu de particulièrement se pencher dessus, mais dans Certain Sentinels, il y a quand même aussi un perso qui renvoie un petit peu à ce délire. Effectivement, ça fait partie aussi de l'ADN du studio. Et justement, 13 Sentinels, donc on l'a dit, leur dernier jeu, il est sorti en 2013. Et 13 Sentinels, c'est sorti en 2019 au Japon. Ouais. Donc il y a eu 6 années de développement. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi 6 années de développement? Et c'est justement ce qu'on va vous expliquer maintenant. Il y a plusieurs raisons. Alors, l'idée de départ, et ça je vais le dire dès le début, c'est qu'en fait l'idée de 13 Sentinels est apparue à Georges Camitani dans ses toilettes, dans sa douche. Non, pas du tout, c'est quand ils ont fait leur carte postale de bonne année 2013. Oui, oui. Souvenez-vous, en fait, c'était un dessin avec 3 jeunes filles où il y avait un bouton start sur leur peau et elles passaient le doigt dessus. Ça a été un peu l'idée de départ et ils sont partis là-dessus. La prod réellement de 13 Sentinels a commencé qu'en 2015. Pendant 2 ans, ils ont un peu cherché à écrire l'histoire, tout ça. Vu que Dragon's Crown cartonnait bien, ils ont développé une version, je crois, qui s'appelle Pro, Dragon's Crown Pro, qui était sortie sur les versions un peu plus récentes, sur les consoles les plus récentes. Mais ils avaient toujours cette idée-là un petit peu en tête, clairement. Alors, il n'est pas tout seul, Georges Camitani, évidemment, dans le studio. J'avais noté quelques petits noms d'autres personnes à retenir. Il y a son assistant qui est Koichi Maenu. Lui, il s'occupe de l'animation. Sachant que Georges Camitani s'est occupé principalement de l'histoire et du design des mechas. Et la character designeuse, c'est Yukiko Irai. Je suis vraiment en train de lire et j'avais noté également Daichi Yamashita pour les paysages. Puisqu'apparemment, il avait fait vraiment un gros boulot. Et c'est vrai qu'en termes d'esthétique, contrairement à leurs autres jeux, il y a toujours eu cette grosse patte 2D historiquement chez VanillaWare. Et puis ce trait très particulier. Il y a une DA aujourd'hui dans les jeux VanillaWare. Enfin, on les reconnaît. Si vous ne connaissez pas le studio, mais même moi qui n'avais jamais joué à aucun de leurs jeux, je connaissais ce studio et je l'avais associé à cette DA très particulière. C'est un côté un peu aquarelle dans les... Un petit truc comme ça. De toute façon, ils ont beaucoup d'inspiration dans la peinture. Au départ, c'est des artistes. C'est ça qui est important. Et donc, ils ont gardé ça dans leur approche du jeu vidéo. Mais par contre, c'est vrai qu'ils n'avaient jamais ce délire un petit peu de narration et ça arrive d'un coup en mode vénère avec 13 Sentinels. Et pas qu'à moitié. Puisque du coup, son idée de départ, c'était ça. C'était de raconter une histoire un peu dans le désordre et surtout de plein de points de vue différents. Et pour l'anecdote, et c'est pour ça qu'on rigolait tout à l'heure quand on disait le coup de VanillaWare, c'est que comme il a sorti sa carte postale en 2013, il s'est dit il y aura 2013 persos. Il y aura 13 personnages, voilà. C'est tout. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on donne le cap à un jeu vidéo. C'est de prendre des bonnes décisions cohérentes et rationnelles. En même temps, quand tu dis que l'idée du jeu, c'est 3 cartes postales de meufs qui ont un bouton start sur la peau, c'est pas une idée, c'est un dessin. Je veux dire, on peut. Ça lui donne une inspiration. L'imagination, Maxime. C'est une inspiration. Tu es trop cartésien. Et j'avais lu aussi dans une grosse interview qu'ils expliquaient qu'en gros, quand t'as 13 ans au Japon, c'est un âge un peu de transition, etc. Et du coup, ils trouvaient qu'il y avait une symbolique pas mal avec le côté 13. D'accord. Tout ça, tout ce qui est... Bref, on sait. retrouvé avec ces 13 personnages-là. Sachant qu'en vrai, il y en a 15. En tout, oui, en tout, il y en a 15, même, mais on n'en incarne que 13. Il y en a même un peu plus des persos. Dès le début, c'était pas forcément une histoire autant de SF avec les mechas, etc. Mm. Il était plutôt parti sur un délire avec des persos avec des pouvoirs psy, façon un peu super-héros, etc., ouais. etc. Mais assez rapidement, il y a une idée qui lui est venue en tête, c'était qu'il voulait mélanger des gros mechas, des gros robots, donc, avec un jeu qui serait raconté à la façon d'un manga shoujo, donc les mangas plutôt pour les jeunes femmes. Voilà. On a des petits exemples de shoujo pour redonner des références aux gens Là, comme ça, je sais pas, il y avait Beck, il y a, tu vois, pas Sakura, Sakura qui... Sakura, c'est du Magic Girl, Magical Girl, donc c'est encore ça, une ça concerne aussi les jeunes femmes, j'imagine, ouais. mais moi j'aime bien Sakura, voilà, je tiens à le dire. Mais donc, c'est pas axé autour de romance ou quoi. Après, est-ce que shoujo, c'est forcément d'accord. de la romance ou pas? Pas forcément, en fait, c'est juste, alors, c'est ça qui est assez particulier avec les mangas, on fait la petite parenthèse, en général, les genres de mangas, shonen, shoujo, seinen, etc., que vous avez peut-être déjà entendu, c'est plutôt la cible démographique qui est visée, mais que le genre en lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un shonen, un manga pour les jeunes garçons. Ça peut être de la SF, ça peut être de la tranche de vie, ça peut être un thriller, ça peut être de l'horreur, etc. C'est vrai qu'on a tendance à associer le shonen à en fait, un sous-genre qui est, je crois, le Neketsu, je crois que c'est ça, qui est le côté Dragon Ball, Naruto, où il y a la bagarre des tournois des ennemis plus en plus forts. Voilà. Et du coup, son idée, c'était de mélanger ce ciblage-là avec le truc des mechas, donc un truc déjà un petit peu hybride. Et le tout mélangé avec ses propres refs à lui, parce qu'en fait, il voulait vraiment faire un jeu très personnel avec toutes ses références à lui, sauf qu'il s'est rendu compte d'un truc assez grave, c'est qu'il était vieux. Ah mince. Et que du coup, en fait, il savait pas du tout ce qui intéressait les jeunes des années 2010, etc. Donc il s'est dit, je vais ancrer ça dans les années 80, ma propre jeunesse, ma vie de lycée, avec les codes que ça a donné, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une partie du jeu qui se trouve justement dans les années 80. Oui, c'est là vraiment en fait où tout se joue, puisque les autres époques sont plutôt annexes, et il y a cette fameuse année 1985 où c'est très bonne vraiment... année. Voilà. C'est vrai, très bonne année. Excellente année. Et oui, excellent 85. Mais bref, par rapport à l'histoire, du coup, ce qu'ils ont fait, et qui était, je pense, la meilleure décision qu'ils pouvaient faire vu la complexité du projet qu'ils étaient en train d'entreprendre, c'est qu'ils sont partis de la fin de l'histoire, et ils ont remonté tout ça en créant des twists, etc., pour créer cette espèce d'énorme puzzle qui est 13 Sentinelles à Aegisrim. De toute façon, quand tu écris une histoire à twist, t'es un peu obligé entre guillemets de partir de la fin, parce qu'une autre approche qui aurait pu être faite, c'est juste ils font leurs 13 persos, ils réfléchissent organiquement aux romances et tout, et là tu pars plus du début en te disant que feraient mes persos et tout. C'est d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles c'est une des approches d'écriture de Game of Thrones sur les bouquins. Ah oui, c'est vrai. Et c'est en fait juste il attend de voir un peu le développement logique des persos, ça peut prendre plus ou moins de temps, alors que la série, elle, en opposition, c'était plus ils ont des saisons à fournir en année, et donc au bout d'un moment, ils finissent par partir par la fin et dérouler, quoi. Et c'est pour ça que la fin a été un petit peu compliquée et pas forcément cohérent avec tous les personnages. C'est des contraintes différentes pour des approches différentes. Et d'ailleurs, pour juste noter, pour faire un petit lien avec un des épisodes qu'on avait fait, c'est aussi ce que racontait Yoko Taro pour Nier Automata, qu'il était aussi parti vraiment de la fin de son jeu, et ensuite il avait construit tous les petits twists pour nous amener à cette fameuse fin. On en avait parlé aussi dans Devil May Cry, je me souviens. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait cette espèce de scène où il y avait V qui bloquait les deux autres gars. De toute façon, je pense que. Enfin, Nero qui bloquait les deux autres. Je pense que ce que tu dis, Max, c'est juste, c'est quand tu commences à. Si tu veux faire des twists, en fait, t'es obligé de construire par la fin, de dire, sur quoi je vais. Comment je noue, comment je scelle, comment je crée un peu des blocages narratifs qui vont empêcher d'arriver tout de suite au twist. Donc, t'es obligé de remonter un peu en arrière. En fait, je pense que le côté laisser tes personnages grandir et tout, c'est plus une approche de littérature vraiment que de jeux vidéo ou même de cinéma. Oui, parce qu'il fallait quand même donner un minimum de cadre à ce jeu. Alors, on va le voir, ça n'a pas forcément si bien fonctionné ça, parce que très rapidement, le jeu est devenu beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils pensaient au départ. Ils ont eu pas mal de problèmes, d'ailleurs, pour lier les différents genres, puisque c'est vraiment un jeu hybride, 13 Sentinelles. Il y a du visual novel dedans, il y a un tout petit peu de RTS, slash Tower Defense, slash on ne sait pas trop. Donc, ça a été assez compliqué, parce qu'ils avaient besoin de beaucoup d'animation, puisqu'il y a beaucoup de personnages, il fallait pas mal d'animes, il fallait pas mal de paysages également. Et surtout, s'ils ne savaient pas forcément où partir sur l'histoire, et du coup, ils devaient écrire des choses, il y a des animations qui étaient faites, et après, s'ils changeaient des choses, ils devaient refaire des animations et tout, donc ça a été quand même, ça a été vraiment un projet très très compliqué à mener de bout en bout. Et ça l'a été tellement qu'en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils ont commencé à écrire leur propre Bible et à commencer à noter tout ce qu'ils faisaient en termes d'écriture sur les persos, qu'ils ont eu l'idée finalement d'ajouter le mode archive, le mode analyse, qui est le troisième mode de jeu que vous avez dans 13 Sentinelles. À la base, c'était juste pour eux, en fait, c'était pour s'aider, parce que, en fait, même au sein de l'équipe, l'équipe, c'était tellement compliqué qu'ils s'y retrouvaient pas, donc ils ont dû vraiment s'intégrer, essayer de créer bah, vraiment une bible littéralement comme tu le dis, et au final ça terminera dans le jeu parce que peut-être que nous aussi on en a besoin. Ouais, et du coup ben, au niveau du gameplay, après ce qu'ils ont commencé à penser c'est ben, vu qu'il y a un côté visual novel, comment on va pouvoir un petit peu unifier l'expérience de jeu quand on passe d'un personnage à un autre. Ils ont pas des pouvoirs spéciaux ou quoi que ce soit, ils ont une caractéristique commune qui est assez intéressante, c'est qu'ils peuvent tous penser, jouer, voilà, réfléchir, ils peuvent tous penser. Et ça c'est incroyable. C'est des personnages qui réfléchissent, c'est pas évident. En vrai, c'est un journal. C'est un journal, mais qui est alors, mis de façon un petit peu différente. Qu'à la base, pour avoir lu une interview, il voulait faire vraiment un système, tu sais, de point and click avec des verbes, genre interagir avec tel truc, donc vraiment un peu à l'ancienne. Et puis au final, ça fonctionnait pas du tout. C'était trop compliqué. Les playtests ne marchaient pas. Et ils sont venus à cette espèce de journal intime qui correspondait plutôt aux interactions que tu vas pouvoir faire, mais par c'est rapport des associations à chaque d'idées, c'est un ça, petit voilà, peu. Exactement. Tu vas penser à une cassette et tu vas la donner à un personnage. C'est voilà, ça, plutôt que de regarder ou donner cassette, il sait directement cassette et c'est comme ça qu'ils ont fait. En fait, t'as deux types d'interactions, c'est soit tu y penses, soit le jeu te dit tu peux le donner. Tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, et du coup, bah, quand il pense, t'as droit à un petit dialogue interne, ouais, etc. Ouais. Mais ça a permis du coup d'unifier un petit peu le gameplay et de simplifier les besoins d'animation. En tout cas, parce que bah, évidemment, le jeu, au fur et à mesure, a une quantité de dialogue très très impressionnante. Ça a donné un calendrier, notamment au niveau des doublages, vu la quantité de persos qui parlent, qui était ultra serré. Et d'ailleurs, dans une des interviews, Georges Camitani, il raconte une anecdote, c'est qu'en 2019, au moment où le jeu est prêt à sortir au Japon, il sort dans quelques mois, et lui il est en train de bosser bah, comme un chien pour finir d'écrire, comme un gros porc, voilà. Et en fait il a gagné un prix, et il raconte qu'il a failli ne pas se présenter à la cérémonie de remise de prix, parce qu'il avait autre chose à foutre, il avait du boulot à faire. C'était pas plus genre il avait honte, il voulait pas y aller parce que justement il avait pas fini son truc dans les temps. Alors je sais pas s'il avait honte ou quoi, mais en tout cas il avait du boulot à faire, ouais. Et du coup bah, ça lui prenait du temps de faire la route pour aller récupérer un machin qui finirait avec plein de poussière dessus. Exactement. Le jeu, donc, on l'a dit, sort au Japon en 2019 et puis bah, il arrivera en Occident en 2020 et il a été bah, très bien reçu sur le plan critique. Hein. On est à 85 sur Metacritic. Je me souviens que c'était un des jeux qui avait été nommé dans pas mal de listes à l'époque 2020. Donc, vraiment un succès assez surprenant, surprise en Occident. Par contre, côté vente, ça n'a pas non plus été gueudin. À l'époque, il y avait 500 000 copies qui avaient été vendues sur PlayStation 4. C'était en 2021. Sachant qu'il était exclu. Là il est arrivé sur Twitch, alors peut-être que voilà, j'imagine quand même que ça a dû faire redécoller les ventes. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu le nombre de Switch vendus au Japon, c'est genre 34 millions un truc comme ça. C'est enfin je crois que ça vient de dépasser la 3DS ou la DS, enfin ouais. C'est le truc le plus, c'est ouf, enfin le taux d'équipement de Switch au Japon il est maboule, parce qu'ils sont combien, ils doivent être 700 millions un truc comme ça au Japon, c'est peut-être un tiers des gens qui ont une Switch. Je sais pas, c'est quand même c'est 80, je sais pas pourquoi j'ai le nombre 120 qui vient en tête, mais je sais plus. Mais en tout cas, voilà, un taux d'équipement qui est... Enfin bref, ça m'a surpris et du coup, je me dis, bah, peut-être qu'en arrivant sur Switch, ça va aussi booster les ventes sur le marché local et aussi international. Juste pour vous donner un point de comparaison, parce que leur jeu le plus vendu encore aujourd'hui chez VanillaWare, c'est Dragon's Crown. On était, je crois, à 3 ou 4 millions tout, donc c'est quand même un peu plus. Mais bah, voilà, effectivement, bah, 13 Sentinels, il a vraiment eu un gros succès d'estime et critique. Il a été cité, comme tu l'as dit, dans tout un tas de listes des jeux de l'année, etc. Et il a même été nommé, ça j'avais noté, c'était assez, on va dire, incongru pour être cité, c'est qu'il a été nommé à des prix littéraires. Des équivalents de prix de science-fiction, même si c'est un jeu vidéo, il était cité dedans et il a gagné des prix du coup de cette manière-là. Je viens de fact-checker, c'est 125 millions de japonais, mais sinon je pense que ouais, c'est un jeu qui là n'a pas un énorme succès, mais il a le potentiel pour devenir un long-seller pour plusieurs raisons. C'est comme vous l'avez dit, il passe dans fin du game, il passe déjà. Déjà il va faire 20 ventes peut-être, mais non, sinon il est, comme vous l'avez dit, il est bien classé dans certains trucs de presse et qui vont ressortir des articles ou qui ont déjà ressorti pour sa sortie sur Switch. Et surtout, c'est pas un genre qui va vraiment vieillir. Tu vois, le jeu, dans quelques années, il sera toujours parfaitement jouable et tout. Ça, c'est la grande force de la 2D. Hein. De toute façon, ça vieillit très très bien. En plus de ça, le jeu, il a une complexité et des ambitions narratives qui sont quand même assez intenses, on va dire, pour un studio aussi petit. Et clairement, ça sera un truc qui va ressortir, comme tu dis, d'ici quelques années quand on va se repencher sur les visual novels ou quoi. Et Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va pouvoir justement se lancer dans, dans cette épreuve-là qui nous attend concrètement de raconter l'histoire de 13 Sentinelles. Alors justement, on ne va pas vous raconter l'histoire telle qu'on la découvre. Ouais, voilà, on ne va pas faire tous les twists un par un qu'on découvre dans le jeu. On va plutôt essayer de vous raconter ce qu'on appelle la méta-histoire, c'est-à-dire vraiment concrètement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans cet univers-là, mm-hmm. et nous, comment... justement pas comment on le découvre, mais... concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Oui, en fait, en gros, là, on va vous raconter l'histoire telle qu'on la comprend une fois qu'on a terminé le jeu et que, du coup, on a résolu un petit peu tous les mystères. Qu'on a lu trois fois le codex, qu'on a relu C'est ça. Ouais. Ah non, mais la préparation de cet épisode a été particulièrement studieuse. Là, c'est surtout cette partie, en fait, parce que c'est vraiment turbo compliqué. Ouais, il y a des tonnes de twists, il y a des tonnes de trucs. Du coup, nous, on découvre le jeu, normalement, l'histoire complètement dans le désordre. Et là, j'ai fait un petit effort pour essayer de vous raconter ça, du coup, de manière un peu plus digeste. Mais si vous n'avez pas encore complètement fini le jeu, vu que c'est quand même tout l'intérêt, je le redis au cas où, spoiler, tout ça. Cette émission spoil, voilà, fin des jeux, tout ça, fin du game, fin. C'était au cas où. Oui. Bref, nous sommes au 22e siècle, donc c'est dans pas si longtemps que ça. C'est bientôt la fin de l'humanité, voilà, comme et d'habitude. Ça, et est-ce qu'on aura besoin d'attendre 2188 pour c'est y aller dit, hein, c'est pas dit. Je pense qu'on peut faire mieux, je pense qu'on peut les battre. On peut y arriver, faites mieux. Donc bref, l'humanité étant sur le point de s'effondrer à cause d'une infection qui est liée à des nanomachines, on n'en sait pas plus que ça. On apprend par contre que l'un des personnages centrales de l'histoire, qui est Chihiro, donc l'infirmière, j'ai oublié son nom. Morimura. Elle était à l'époque, en 2188, une scientifique vraiment de renom qui voulait travailler sur un projet qui s'appelait le projet Arche. Elle avait besoin de financement et donc elle allait fricoter avec des gens du marché noir, etc. Et c'est en gros en partie à cause d'elle qu'il y a eu cette infection de nanomachines. Mais heureusement, le projet Arche, du coup, ils avaient de l'argent. C'était un projet, comme son nom l'indique, qui consistait à envoyer toute la faune et la flore, ainsi qu'une partie de l'humanité dans l'espace. Charger de l'ADN, en fait, de toute notre... de faire une arche, tout simplement. D'envoyer ça sur une autre planète, puisque la Terre est foutue. Voilà, la Terre est foutue. Et du coup, l'idée, c'était d'envoyer ce vaisseau-là et des machines qui allaient terraformer une nouvelle planète, c'est-à-dire créer les conditions pour que notre ADN, tout ça, puisse proliférer et refaire encore une fois tout ça. Et puis voilà, ainsi de suite. C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel, etc. Simba. Donc, ce projet, c'est un peu le seul espoir de l'humanité. Coup de bol, ils arrivent quand même à le lancer. La fin du monde est très proche. Il reste plus que 15 personnes dans une petite colonie isolée du reste du monde. C'est une station spatiale. Ils sont même dans une station spatiale, effectivement. Et ils sont en train de battre leur propre ADN, du coup, dans ce projet Arc. Et en fait, le projet Arc, faut imaginer une espèce de gros vaisseau spatial, même si on ne le voit jamais. Il y a tous les trucs d'ADN et il y a ces fameuses 15 personnes qui sont mises sous forme de clones, de petites ADN. Alors, pas les 15, il y en a 13 qui sont dans le projet Arche, et sur les 15, il y en a 13 en fait qui sont mis dans le projet Arche. Et les deux autres, ils sont. Il y en a un qui est une IA, donc voilà. Au début, Okino, il est encore humain, il le devient. Je parle pas d'Okino. Du coup, c'est un 14e. Tu sais pas. Justement, un des persos qu'on ne voit pas, quoi. Mais ouais. Et donc, l'idée, c'est que ces 15 personnes, elles vont être. Ils vont les faire pousser grâce à la science, quoi, en gros, pour fabriquer des nouveaux humains. Et de l'âge de 16 à 18 ans, elles sont censées suivre une espèce d'entraînement spécial qui va les préparer à la vie sur Terre 2. En fait, comprendre l'histoire de l'humanité, nos habitudes sociales, etc. Histoire de bien refaire les mêmes conneries. Exactement, voilà. Et en fait, ce programme-là d'entraînement, c'est un mix improbable entre un jeu vidéo, du cinéma, parce que on apprend que Okino, qui est le programmeur, il n'avait pas le time. Il n'avait pas le time, du coup, en fait, parce que c'est ça l'idée, c'est que concrètement, pour que ces humains, ils arrivent à emmagasiner toute notre expérience, il va les mettre dans une simulation de vie. D'ailleurs, en fait, ils n'étaient pas trop d'accord sur les époques, et c'est pour ça que sur le vaisseau, il y a 5 époques, 5 secteurs qui ont des époques différentes, et il y a certaines personnalités qui vont aller dans une époque, d'autres dans d'autres époques. Et le truc, c'est qu'il a créé cette simulation à partir d'un jeu vidéo qui s'appelle Deimos. Il va prendre des bouts de moteur, il fait du recyclage. En fait, il a créé un bout de code, parce que je crois que c'est présenté, il avait la flemme un peu, il voulait gagner du temps. Et il désactive quand même l'option Kaiju, qui était dans le jeu vidéo. Parce que c'était ça le jeu, c'était un jeu où il fallait se battre contre des Kaiju. C'est ça. Donc, c'est les gros robots, les Kaiju, c'est les gros robots type Godzilla, etc. Les gros monstres. Oui, voilà. Les gros monstres, les grosses bestioles. Et donc il met ça, mais voilà, il met l'option, ça, il met le mode facile, il enlève les kaijus. Mais il y a toute une histoire, on va pas revenir en détail là-dessus, mais il y a une fille qui s'appelle Ryoko Shinonome, c'est celle qu'on voit qui a des bandages, entre autres. Mais sa version, en fait, sa vraie version, spatiale, en fait, la version 88, elle, elle a voilà, des petits problèmes d'amour, on va dire, voilà, ouais. Et elle perd foi en l'humanité, et du coup, elle active le mode hardcore dans la simulation. Le mode cage. Non, même pas le mode rogue tout court, parce que du coup, bah, y a une espèce de cycle infini qui se fait que les humains, dans leur sentinelle, dans leur robot, sont attaqués en permanence, et ils finissent fatalement par être submergés, et donc, bah, en fait, l'IA réinitialise le cycle, et l'idée, c'était de faire ça à l'infini pour pas que l'humanité se propage. Le système, c'est que, donc, il y a un système de protection, et si dans les 5 secteurs, les robots, enfin les kaiju arrivent à atteindre le point de gardien là, qui est le truc Aegis, hein, c'est ça le système Aegis, et ben le terminal, je crois qu'ils disent le terminal, voilà, le terminal, ouais. Exactement, ils remettent la boucle et ben en route, et du coup les petits humains, ceux qui commençaient à grandir dans leur capsule, hop, on les dégage, je sais pas, je pense qu'on les vire dans l'espace et on en fait repousser. Il faut un nouveaux. Bruit de chasse d'eau, voilà, tu sais, à ce moment là c'est bon, et hop, c'est parti, on recommence une boucle, et le jeu justement bah commence 30, combien on a dit, 30 millions, plus de 300 boucles. 300, alors oui, c'est là où il y a une espèce de voilà. On va dire il y a un gros décalage parce que c'est la 300e et des brouettes de ouais. Boucles, mais ça fait 20 millions d'années qu'ils ont voilà. Quitté la planète alors Terre, alors que 300 fois 17 oui, 18 enfin, ça fait pas 5000 années. J'avais vu les noms, mais il y a un truc effectivement qui colle pas, et c'est la dernière parce que en termes d'énergie machin, bon bah le vaisseau il peut pas tenir non plus voilà, une éternité hasard, oui c'est voilà. Ça c'est, nous la boucle, effectivement c'est important de le dire, c'est que voilà, c'est a priori la dernière, c'est à dire qu'il y a plus de batterie, ça y est, l'iPhone s'est déchargé. Et donc pourquoi c'est la dernière boucle aussi, c'est parce que bah, dans les boucles précédentes, à force de galérer, il s'est trouvé que les personnages à l'intérieur des boucles ont fini par comprendre qu'ils pouvaient réussir à garder, ouais, on va dire, ouais. À conserver certaines informations, c'est-à-dire et à les transmettre. Ouais, 2-3 persos qu'on comprend ouais, ça, ouais. Qui permettait de les transmettre aux prochaines générations, mais par contre, pour faire ça, ils devaient se séparer de leur corps et devenir une espèce d'IA. Enfin, en gros, ils devaient numériser leur esprit dans ce qu'ils appellent le secteur 0, et c'est comme ça que petit à petit, ils arrivent à leur filer des informations, et notamment la possibilité de gagner de l'XP avec les mechas dans la phase de RTS. Voilà, ça, tout s'explique. Ouais, oui. Ça, globalement, c'est l'arc, pour expliquer un peu, de Izumi, en fait, qui n'est pas un personnage jouable, mais c'est Kurabe Izumi, donc le personnage de base de Kurabe Kuno. Juro Kurabe. Et donc c'est tout l'arc où on voit, donc c'est une illusion, c'est son pote qui lui met des souvenirs oui, en cassette audio, oui, mais c'est aussi le chat, et c'est surtout l'arc en fait de la brune, parce que ça faut quand même expliquer juste cet arc où elle tire en fait sur les gens avec son flingue, parce que dans le code il y a le code DD426 ouais. Qui est un bout de code là. Qui fait qu'en fait ça se mélange avec le code du jeu, et ça permet aux gamins ouais. De non seulement, alors ils pouvaient déjà monter dans le robot, ça c'est un résultat d'il y a deux boucles, c'est Okino qui avait mis les sentinelles dans le machin, voilà c'est compliqué, mais bref, le coup des flingues, et ils peuvent garder de l'XP, en fait ils peuvent faire améliorer leurs sentinelles pour gagner le combat contre et nous, les gamins. On croit pendant assez longtemps qu'en fait cette histoire de c'est une assassin, elle va tuer tout le monde, etc. En fait ça nous aide. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, eh ben, on arrive à la fin du jeu, on a enfin toutes les informations, ouais, on grâce a réussi au, à gagner grâce suffisamment d'XP. Différentes boucles précédentes, ouais. Des gens qui sont transmis des informations, et malgré les nombreuses incompréhensions qui règnent entre tous ces personnages, puisqu'il y en a, ils disent non mais il faut faire ça, ah ouais mais non il faut faire ci, et puis non, enfin, il y a plein de... Ouais, il y a plein de plans différents, c'est il y a ça. Des personnages qui ont des objectifs un peu opposés. Parfois c'est les mêmes personnages qui ne s'aiment, enfin qui justement font, enfin tu vois, il y a Shiro, la petite, oui. La version petite fille qui est pas d'accord, alors avec qu'en fait la version c'est un clone adulte d'elle-même, qui est sa version ouais. Elle, enfin bref, voilà. C'est facile. Non, oui, voilà. À la fin, ils décident en fait de se séparer complètement de l'IA centrale, et c'est ce qui leur permet de se réveiller véritablement dans leur corps humain, et en plus, coup de bol, ils sont sur une planète qui a été terraformée depuis très longtemps, et ça, c'est la fin du jeu. Si vous restez jusqu'à l'après les crédits, on a même droit à une petite scène post-crédit où on revoit tout le monde. Ils retournent un peu dans tard, la simulation. Ils retournent dans la simulation pour dire bonjour à tous leurs amis, puisque l'IA est sympa, elle a pas détruit les données, et du coup tous leurs copains sont restés oui, en vie. Oui, c'est ça, c'est que tous les gens qui vivaient donc avec ces 15 personnes, bah, c'était plein de petites IA ouais, qui avaient été créées. Il y avait millions de personnes, parce que tu sais, il y avait genre 1 million de personnes par secteur ou un truc comme ça. Et du coup, bah, forcément, il y a notamment un personnage qu'on apprécie beaucoup, Samichan, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui parle tout le temps comme ça. Bref, qui est une de leurs potes, ouais, et qui est super au perché. Qui est une IA, donc il retourne la voir pour discuter avec elle. Voilà, c'est ainsi que se termine 13 Sentinelles, donc avec l'arrivée bah, sur ce nouvel Éden, hein, littéralement. Hein, c'est parce ça. Que, en plus, on a vraiment ce visuel de Juro et Megumi. Je regarde le petit tableau. C'est Megumi. Megumi Yakushiji. Ouais. Voilà. Où, bah voilà, ils se font le petit bisou. Et ils sont tout nus, hein. Et ils sont tout nus. Donc, bah, a priori, ça va faire des gosses. Et voilà, ils vont repeupler ce monde. Et comme on l'a dit, recommencer tout le cirque jusqu'à la ça, prochaine ça fois. Ça, c'est mentionné parce qu'il y a plusieurs couples, en fait, qui se forment, hein, pendant l'histoire. Et quand on les voit retourner dans la simulation, ils mentionnent le fait qu'ils ne le révèlent pas, du coup, aux IA. Mais eux, entre eux, ils font des apartés, genre, hey, tu t'occupes des gosses ce soir et tout. Enfin, tu vois que, voilà, ils sont. Ça se passe bien. C'est des adultes responsables. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a ce truc, on parlait de shoujo, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de romances, hein, ouais, qui sont nouées entre de nombreux personnages. Alors, je parlais d'un petit tableau, mais parce que pour s'aider pour cet épisode, j'ai dû afficher sur mon écran, il y a le tableau avec tous les noms des persos, mais on a aussi toutes les flèches qui indiquent les différentes relations, les love relationships. Donc voilà, il y a pas mal de couples, hein, qui se forment autour de ces différents personnages. Et c'est une des vraies, c'est quand même un des trucs du jeu, hein. Concrètement, je trouve que cette tonalité romance et tout, elle fait partie de l'expérience de jeu, quoi. Ça, et du coup, bah, pot pourri de SF, hein, concrètement, ça. Exactement. On l'a déjà évoqué, mais de toute façon, le nom de la partie, bah, c'était pot pourri de science-fiction sauce japonaise. Donc, comme on l'a dit, il y a le côté lycéen, romance et tout, et des kaijus, des gros robots dans lesquels faut monter, donc ça, voilà, c'est les mécas japonais, vous connaissez, hein, en rêve, bon, Evangelion, Gundam, et Macross, je connais pas ça, tu vois. Ah, bah alors, si tu connais pas Macross, t'es passé à côté de quelque chose, mon petit bonhomme. Ah, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, alors ça, c'est plus une série des années 80, il y a eu un film dans les années 90 qui s'appelait Macross Plus, qui est très cool, qui a pas mal marqué les gens à l'époque. Les Macross, c'est les espèces d'énormes robots, si vous avez déjà vu ces séquences avec des millions de petits missiles qui partent dans tous les sens, voilà, ah, ça, c'est Macross. D'accord. C'est un peu leur trip. En fait, c'est vraiment ça. George Kamitani, il a pris toutes ses références de pop culture, tout ce qu'il a pu voir et binger sur Netflix avec son popcorn, et il s'est dit, je vais faire un jeu avec tout ça. Voilà, il met tout. D'ailleurs, ben, il les cite assez littéralement même dans le jeu, hein, puisque on parlait de 426, Izumi, Kurabe et tout, qui lui donne des cassettes, et il y a des vraies cassettes. Il y a La Guerre des Mondes et aussi d'autres films japonais, j'imagine, que je connais moins. Il y a un autre film, hein, qui est peut-être pas cité directement, mais il y a E.T. En tout cas, ils font moins des rêves directs. Avec E.T. Il y a plein de références comme ça, ouais, parce que Nachan, elle porte un petit robot et elle lui met une espèce de petit truc dessus. Oui, c'est la même séquence que quand E.T. elle le met dans le vaisseau. Même, même dans l'esthétique, tu vois juste ses yeux comme ça. Et même elle parle. Je sais pas si elle prononce le mot E.T., tu vois, le titre. Bah, elle recherche les extraterrestres. Mais voilà, mais elle dit j'ai vu un film, c'est comme ce petit garçon qui voit un alien. Voilà, exactement. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment. C'est pas très discret. Non, il fait de la citation assez. C'est vraiment de la citation. Et il y a vraiment tous les tropes quasiment qu'on a pu imaginer de la SF. On s'était même fait une espèce de jeu entre nous en se disant, est-ce qu'il y en a pas qui aurait été zappé? Est-ce qu'il y en a un qu'on connaît, qu'on n'a pas vu dans le jeu? Vous aussi, jouez avec nous. Parce que y a donc, on a noté qu'a priori, on croit qu'il y a un voyage dans le temps. Ça, c'est la première chose qu'on commence à croire, c'est de dire, ok, y en a qui viennent d'époques différentes, donc voyage dans le temps. On se rend compte qu'en fait, c'est pas tout à fait du voyage dans le temps, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des univers parallèles? Est-ce que c'est des mondes différents? Est-ce que c'est d'autres planètes aussi, tout simplement, qui seraient sur différents plans d'avancement? On peut se demander ça. En fait, voilà, il y a le truc de la simulation. Évidemment, ça, c'est un des gros trucs. Et au milieu de tout ça, il y a aussi plein de choses qui sont lancées dans le mix, hein. Il y a des clones, il y a des androïdes, c'est façon Terminator, hein, c'est littéralement trucs invincibles. C'est vraiment ça. Et la manière dont il, entre guillemets, se téléporte dans le temps, quand on croit que c'est voyage dans le temps, c'est aussi inspiré Terminator. Oui. Il y a évidemment des IA, il y a aussi des versions de personnages différentes qui soient dans le futur ou dans le passé, voilà, qui n'ont même plus les mêmes objectifs comme on pouvait le dire. Il y a des nanomachines, parce que Kojima, voilà, qui est là. Il y a des mémoires importées, genre tel perso, on est en train de lui mettre la mémoire de ce clone et tout. C'est d'ailleurs pour ça que parfois tu as des versions différentes d'une même personne, mais... Ouais. Qui ne pensent pas la même chose, ou qui ont évolué différemment, ou à l'inverse, qui ont la mémoire de l'autre, ou enfin, t'as un autre perso qui a la mémoire d'un autre, enfin bref, il y a tous ces croisements-là à faire. Donc c'est vraiment, voilà, une espèce d'énorme mix de tout un tas de références. C'est pas fini, il y a aussi des illusions. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des trucs, il y a un perso, bah en fait, c'est une illusion aussi. L'illusion qui est mise dans la tête. Ouais, Kurabe, il a un pote. Johnny Silverhand dans la tête. C'est ça. Et en fait, on découvre que c'est une illusion. Oui, c'est vrai que c'est un côté Fight Club, et en fait, il y a que lui qui le voit. C'est ça. Oh là là, ça a spoilé. Ah ouais, ouais, bon. Parce que j'hésitais à citer. Il y a un autre film que j'ai pas, du coup, que je vais pas citer, ce qui est un twist, mais par exemple, il découvre aussi, c'est une petite piste de la simulation, mais quand il s'éloigne de la ville, il voit que la ville, elle fait que 3 km carrés, je crois, un truc comme ça. Et bon, ça me fait penser à un autre film, mais du coup, bon, là, c'est le twist du film, je vais pas dire. Ah, évidemment, qu'ils sont pas dans un vrai monde. Mais voilà, c'est un jeu qui brasse énormément de trucs, et en fait qui joue aussi un peu avec ça, c'est-à-dire que justement je pense que un des intérêts du truc, c'est toutes les suppositions et les hypothèses qu'on va se faire au fur et à mesure qu'on décolle. Ce fameux truc par exemple de croire qu'il y a du voyage dans le temps, en fait voilà, c'est la première piste sur laquelle nous lance le jeu, et en fait il se sert de tous les codes que nous on connaît de la SF pour justement nous emmener de twist en twist jusqu'à ce fameux truc de la simulation. Et en fait les robots, c'est des capsules de c'est des capsules de Matrix où on nous pond, enfin où ils nous font naître et ils nous font vivre comme ça. Oui, parce que du coup tout ça se passe dans des dans une grosse simulation. En fait, tout est dans leur tête. Ouais, tout se passait dans leur tête, qui est aussi un trope. Un trope de SF assez connu. Ce n'était pas un rêve, c'était une simulation. Ouais, voilà. Ça ils auraient pu être tous morts aussi, ça marche aussi. Mais voilà, du coup, ça donne une histoire qui est très complexe, et vous l'avez entendu de toute façon quand on la raconte, dès qu'on commence à partir un petit peu dans les détails, ça peut être le bazar. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que l'histoire en elle-même de « il y a des gens, ils sont dans une réalité simulée, ils doivent s'en sortir », si on prend que ça, ça va, mais la façon dont c'est pensé, amené, et surtout dont on nous l'a fait découvrir, ça rend les choses très très complexes. En fait, il y a une histoire qui est compliquée parce que justement, il y a toutes ces sous-trucs de ces codes de SF. Il y a toutes ces fausses pistes. Exactement, il y a toutes ces fausses pistes. Mais en même temps, c'est pas seulement l'histoire qui est compliquée, c'est que la narration, c'est-à-dire la manière dont on nous amène le récit, elle aussi, elle est complexifiée à dessein et sur plusieurs façons. D'abord, il y a le fait que on nous raconte l'histoire via ces 13 perspectives différentes. Donc on a déjà 13 personnages, donc c'est pas un personnage qui nous raconte tout comment il le vit, c'est 13 personnages qui nous le disent chacun à leur façon et qui vont le raconter à des époques différentes, etc. Ça, c'est une première façon. Donc 13 perspectives, et en plus chaque personnage, on les retrouve parfois à des époques ou des endroits plutôt différents de la simulation. Et le jeu joue un peu, te trompe, parce que par exemple celui qui a les cheveux longs, Miguchi, quelque chose Gucci, Amiguchi, c'est chou. Amiguchi, il devient Monsieur Ida, qui est un personnage important aussi, mais c'est parce qu'il s'est coupé les cheveux et il a des lunettes depuis. Donc en plus, il y a des persos, tu sais pas encore que c'est le lui du futur. Attends, tu vois. Justement, il y a pas. C'est Tetsuya. Bye. En fait, c'est pas le même perso. Justement, c'est pas lui. C'est un clone qui a pas la même personnalité et tout. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais il y a un truc où même physiquement, tu peux pas savoir que c'est quelqu'un du futur parce que il a complètement changé d'apparence physique, quoi. Ouais, et puis il y a des trucs aussi sur lesquels, il joue beaucoup. Donc soit sur les noms, soit sur les apparences, notamment quand on croise Chihiro en version, vous savez, cuir, etc. On se dit ça doit être Yori, c'est l'infirmière on pense que c'est Yori qui est plus vieille ou quoi que ce soit, enfin moi je croyais que c'était elle. C'est le cas, le même personnage, mais physiquement. Je me suis dit c'est plus tard, et en fait non, ça se passe dans une boucle précédente, on l'apprend plus tard. Il y a tout un mystère qui est maintenu pendant assez longtemps avec le personnage de Juro Izumi, où on peut s'imaginer que peut-être Juro il a double personnalité, qui est un autre trope qu'on avait oublié de citer mais qui pourrait compter là-dedans, alors qu'en fait non, finalement on lui a importé une autre personnalité parce qu'il avait une personnalité qui était trop agressive, etc. Et du coup, ça l'empêchait de briller en combat correctement. Et du coup, ils ont modifié sa personnalité. Et on parle souvent de 426, qui est en fait Izumi, mais qui lui aussi transfère sa conscience dans plusieurs IA, plusieurs persos différents. Qui est la vraie personnalité du coup de Kurabe avant. Et qui Kurabe devient qui un chat. Qui était la créatrice initiale de l'IA, Il devient touffu, le chat. Oui, c'est ça. Et sachant que dans une boucle, il est avec l'infirmière, version Catwoman. Avec son costume en cuir, où ils sont amoureux et tout, et dans une autre boucle, elle le tue parce ont changé. C'est plus la même personne de la même boucle. Parce que lui, c'est le même, mais lui a gardé ses souvenirs et a changé de plan, et pas elle, tu vois. C'est compliqué. Je vous propose, tout le monde, vous aussi, chez vous, dans votre voiture ou quoi que ce soit, on fait tous une grande inspiration. 1, 2. Tout va bien se passer. Et c'est pas fini. Parce que... Et on repart. Ce qui va aussi complexifier le truc, c'est que là, vous le voyez, même nous, on a du mal à retenir tous les noms déjà des persos, parce que il y en a 13 plus quelques-uns, plus des noms alternatifs, d'autres personnalités. Et c'est des noms japonais, donc c'est pas évident. Et c'est des noms japonais, donc parfois tu n'as que le prénom ou que le nom de famille. Donc en fait, ça fait au moins 26 noms, en vrai, 26 mots à retenir pour coller à un perso. Et comme tu as dit, en plus, c'est japonais, nous on peut être moins habitué quand on est français, parce que c'est des mots qu'on doit apprendre en fait pour reconnaître. Donc ça rajoute pas mal à la complexité, quoi. Et enfin, puisqu'on parlait de narration, nous en fait on va découvrir tout ça de manière fragmentée. On a un mode archive qui nous permet à la toute fin de revoir les événements dans l'ordre, entre guillemets, dans le numéro qui leur a été fixé. Et genre, la toute première séquence de début qui s'appelle le début, c'est genre la 200e sur 300 et quelques. Donc forcément, le jeu nous est présenté vraiment de manière complètement fragmentée. Il joue sur les personnages, sur les indications de date pour nous faire croire. Il joue, comme on l'a dit, sur tous ces tropes pour nous perdre un petit peu, et au fur et à mesure, il va nous permettre de comprendre et de dérouler ces twists jusqu'à arriver au climax final où on comprend que tout ça était une vérité, une réalité simulée, et voilà. Oui, en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est que le fait que ça nous perde et tous les petits éléments de complexité qu'ils ont rajoutés, c'est vraiment à dessein. C'est-à-dire que c'est un jeu, quand tu le lances, tu joues 5 heures, tu comprends de toute façon que c'est pas ce qu'on te présente, et en fait justement c'est l'expérience de 13 Sentinelles, c'est de naviguer un peu en eau trouble et de se dire putain mais en fait c'est pas ça, mais qu'est-ce que ça peut être, mais en fait ça peut pas être ça parce qu'il y a ci, etc. Et de jouer un petit peu avec toutes ces hypothèses et tout ce que tu vas te faire, c'est ça en fait le but du jeu, c'est de te perdre. L'objectif du jeu c'est pas si tu t'y prends correctement, tu comprennes bien tout correctement, non pas du tout. Et sachant qu'en plus il y a un truc important et on va y venir après, c'est que bah en plus on est libre d'aborder le jeu un peu par le bout de ficelle qu'on veut prendre, puisqu'on peut choisir un petit peu entre ces personnages. Alors au début, c'est le jeu qui décide hein, sur le prologue, on commence par Kurabe, ensuite c'est Fuyusaka, et il rajoute un peu les personnages au fur et à mesure, c'est lui qui décide de cet ordre-là pour le prologue de chacun des personnages, mais ensuite, ça va être à nous de choisir. Donc en fait, le jeu... Après il bloque quand même. Oui, hein. Oui, bien sûr, non, mais il y a des paliers, j'allais y venir. Mais ouais. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est que ce n'est pas le jeu qui décide de nous délivrer telle information à tel moment, etc. Il n'a pas prévu une route vraiment particulière, c'est nous qui allons nous la créer. Du coup, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être des routes qui sont un peu plus faciles à comprendre que d'autres, c'est possible, mais voilà, ça c'est à votre c'est ouais, problème. Il y a des paliers donc, qui sont bloqués, genre quand on a débloqué un certain pourcentage de connaissances d'un personnage, on pourra plus le jouer jusqu'à ce qu'on débloque un certain pourcentage d'un certain nombre d'autres personnages, ouais. Mais il y a tout un tas de moments où on a le choix entre 6 ou 7 petites scénettes à découvrir, qui vont nous amener à d'autres petites scénettes, etc. Et du coup, tout ça, plus ce qu'ils ont rajouté, le fameux mode archive hein, dont on parlait, qui est l'espèce de bible intégrée, tout ça fait qu'on est noyé en fait sous des informations, et ça ne fait que renforcer cette impression d'être paumé pendant pas mal de temps, et à la fin tout s'éclaire. Voilà, pas loin, et tu te dis bon, un petit coup sur le wiki, ça va quand même globalement faire du bien. Voilà, on en parlera un moment, on a des opinions un peu divergentes quand même à ce niveau là et oui, mais, et oui, mais d'habitude fin du game, ils sont toujours d'accord, il n'y a pas d'osmose parfaite, voilà. Mais on a commencé un petit peu à en parler, on vous a montré un petit peu tout ce qui fait que ça se complexifie, mais de l'autre côté, en fait, il y a quand même un gros travail sur l'UX, hein, donc sur l'expérience user. Ils ont utilisé plein d'outils pour que justement ça soit quand même un minimum digeste et nous faciliter la vie pour qu'on puisse ingurgiter justement toute cette matière. Alors d'abord, il y a ce premier truc qui arrive et qui surprend en fait quand on lance le jeu, c'est le fait qu'il y ait vraiment trois modes de jeu. Il y a le mode histoire, donc avec justement on va suivre toutes les scénettes, et là on est plus sur du visual novel. Il y a le mode combat qui là, tu sais, t'en parlais un petit peu, c'est un peu plus Tower Defense RTS, ça on reviendra. Destruction, le nom de... Destruction, ouais. Moi il me semble que c'était Battle. Je lis ce qui est écrit sur... Ouais. Destruction, c'était peut-être la version, je sais pas, une traduction directe du Jap ou j'en sais rien. Bref, enfin, en tout cas, il y a ce mode-là, et puis il y a le mode, voilà, codex, etc. Donc déjà, on a ces trois menus, et là, c'est vraiment, en tout cas, au moins entre le combat et l'histoire, c'est à nous de décider si on veut plutôt avancer dans les combats ou plutôt dans l'histoire. Encore une fois, au début du jeu, c'est plutôt lui qui il va dicter le rythme pour nous montrer un petit peu, je pense, pour nous apprendre les bonnes habitudes de dire fais un petit peu d'histoire, fais un petit combat, fais un petit peu d'histoire, fais un petit peu de combat, parce que c'est plus, de toute façon, c'est plus digeste comme ça. Et après, une fois qu'on va dans le menu là des 13 personnages qui se sont ajoutés au fur et à mesure, bah on va pouvoir, voilà, il y a une petite roue, et là on va choisir quel personnage on veut faire évoluer. En plus, à chaque fois avec des pourcentages, hein, où ils nous disent bah voilà, vous êtes à 60% de l'histoire de ce personnage, là vous êtes qu'à 20% et il est bloqué tant que vous aurez pas fait les 80% de 12 autres personnages. Donc tu sais que lui, Renya Guto, ce sera à la fin que tu vas que tu vas le faire, et il sera super important. Et il sera super important, exactement. Et globalement, une histoire, je dirais que ça fait entre 8 et 12% en fonction des persos, hein. c'est un petit peu l'idée. Oui, il y en a qui sont un petit peu plus longs que d'autres, effectivement. Bah, Juro, il a beaucoup plus de séquences que d'autres, par exemple. Yori aussi. Mais t'as environ, on va dire, 10 histoires par perso, grosso modo, hein. c'est dans ces eaux-là, je pense. Et du coup, comme on parlait d'interface utilisateur, on peut parler aussi d'interface tout court, puisque là-dessus, on a ces fameux trois menus, mais à l'intérieur des menus, le jeu essaye de faire son maximum pour qu'on comprenne ce qui se passe. Il y a tout un tas d'indications, comme on l'a dit, avec les pourcentages, mais par exemple, quand on lance une scénette du mode aventure, on va avoir une sorte d'arborescence des différents événements qui vont nous permettre de comprendre qu'on a des mini-choix à l'intérieur de chaque truc. En tout cas, on peut réaliser des événements un petit peu dans un ordre un peu précis. On est un peu dans une sorte de boucle. Enfin, il y a des moments où on a l'impression qu'on est dans une sorte de boucle temporelle, que c'est un peu la même journée, et que justement, au sein de cette journée, si on décide de parler à tel personnage et de faire ce truc-là. On va arriver à une certaine information, on va découvrir une nouvelle information, et ensuite on va rejouer un peu la même boucle, mais justement, bah, je sais pas, au lieu de parler à Amiguchi, par exemple, je vais sortir de la classe, je vais aller voir l'infirmière, et ça va me donner accès à d'autres informations. Donc il y a un peu ce côté-là, et cette arborescence, elle nous montre en fait comment cette boucle, elle est a priori déconstruite. Ouais, et des fois même, il nous donne des indications très précises sur il faut que vous obteniez tel truc, ouais, tel objet, ça, ouais. Ou que vous ayez parlé à tel personnage d'abord. Faut telle information. Donc ouais. Ça va, il cherche pas. Le jeu, en fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il fait son maximum. Je ne sais pas si c'est parfait, parce que je ne pense pas, mais il essaye de faire au mieux pour que ce qui soit compliqué, c'est vraiment le délire de l'histoire et de tout comprendre à la fin quand le nœud, en fait, tu vois, on est en train de défaire un gros tas de nœuds et à la fin, on comprend ce qui se passe, mais que ça ne soit pas freiné par nos actions, l'interface ou quoi que ce soit. Ouais, on en discutait d'ailleurs. Il y a eu un moment où moi, j'ai bloqué. C'est le moment où il faut essayer de nourrir le chat. Là, il y a une petite séquence avec Fuyusaka, je crois. Oui. Machin, où elles vont bouffer des crêpes et des machins, et il y a un petit timing à avoir pour nourrir le chat, pour justement débloquer la suite de la séquence, et je me suis dit, ok, si c'est des trucs comme ça, ça risque d'être un peu casse-bonbon, et en fait, pas du tout, c'est la seule fois où j'ai bloqué du jeu. Le et reste, d'ailleurs, pendant un temps, durant la prod, ils avaient mis justement un timer sur certaines scénettes pour qu'il y ait des actions à réaliser avant un certain truc, et très rapidement, dans les playtests, les gens leur ont dit, non, ça va pas du tout, il faut surtout pas ça. Ouais, ils l'ont juste gardé pour le chat, et t'as des moments quand t'es avec Ogata, c'est celui qui a la banane, Quand lui, il est vraiment officiellement dans une boucle temporelle. T'as les trains. Il attend le métro. Ouais, voilà, t'as plusieurs trains que tu peux prendre, et là, t'as des timings pour monter dans les trains avant ou après certains personnages. Oui, il y a un premier train qui arrive. Après, est-ce que tu prends le deuxième train? Est-ce que tu parles à telle personne qui va lui prendre le deuxième train? Tu dois courser une personne, et bon, t'as un timing dans lequel tu peux monter dans le train ou pas. Et puis, il y a aussi tout le passage avec l'autre qui aime Yakisoba. Voilà, ces petits pains là, comme ça, qui mangent ses sandwichs. Et du coup, il y a tout un délire où il faut qu'il essaie de trouver de la monnaie parce qu'il a pas d'argent, du coup il fait les fonds de tiroir et faut pas. Ça pour le coup c'est vraiment un moment point and click pour le coup. Oui, c'est un des seuls moments. Parce que tu dois faire des allers-retours, tu dois revenir pour déclencher certains événements qui vont te permettre de faire tel truc. Ça m'a vraiment saoulé ce moment. J'avoue que celui-là, ce personnage, heureusement qu'il y a le comic relief qui l'aime, ses sandwichs parce que sinon, c'est peut-être c'est pas un des plus intéressants en tout cas. Et un autre truc du coup qui va un petit peu en corrélation avec ça, c'est que ils ont fait en sorte que chacune des séquences ne dure que quelques minutes. Ouais. On n'a pas, c'est pas ce genre de jeu où on va devoir se taper une heure et demie de dialogue ou de cinématique d'affilée et on peut rien faire, on peut pas sauvegarder en plein milieu. En plus, comme ça se base quand même sur du visual novel, à tout moment vous pouvez faire pause, vous pouvez faire apparaître le log de tous les dialogues et remonter l'histoire si vous avez envie de lire, si vous avez besoin d'un détail ou quoi que ce soit. Tu peux aussi, alors je pense que ça dure, je dirais une dizaine de minutes en moyenne. Chaque séquence, 15 le max, je pense aussi. Et tu peux, quand t'affiches du coup un peu la frise, tu peux remonter en arrière à un événement antérieur. Si jamais t'as, en fait, comme vous le disiez, c'est qu'à un instant T, tu peux avoir le choix entre différents trucs. Et si tu t'es planté, si t'as exploré un truc que t'as déjà fait, tu peux revenir en arrière pour faire l'autre. Ça marche pas toujours parce que parfois t'as des conditions un peu à remplir, il faudra revenir encore en arrière. Mais t'as aussi un bouton genre recommencer depuis le début ou quoi. Donc oui, à ce niveau-là, t'es plutôt. Et puis t'as aussi, en tout cas là sur PlayStation, c'était avec la gâchette, on pouvait accélérer. Oui, on peut accélérer les dialogues. Je dois avouer qu'au bout d'un moment, ça commence. Mais quand tu refais la même séquence parce que tu veux juste aller à un point précis et choisir une autre arborescence, c'est super pratique de faire ça, effectivement. Et voilà, et encore une fois, c'est pour ça qu'on parlait du X, c'est que il y a vraiment ce travail là pour nous, pour nous aider et pour fluidifier la progression. En fait, quand ils savent que parfois on veut aller plus vite et qu'on n'a pas envie de traîner, et ils nous donnent les outils pour le faire, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt apprécié. Et encore une fois, ce qu'on disait sur la taille des boucles, moi c'est vrai que ça m'a plutôt convenu parce que je m'étais dit voilà, c'est un jeu, c'est pas forcément ma came, etc. Donc je vais m'étaler, j'y jouerai genre juste une demi-heure, et du coup je pouvais vraiment faire deux petites séquences, un petit combat, et ça y est, j'ai fait ce que j'avais envie de faire et je reprendrai le lendemain. Je sais que moi du coup j'y ai joué un peu après la sortie sur PlayStation 4, mais bon du coup j'avais pas l'espèce de, on va dire, de deadline lié à la préparation de l'épisode, et j'y ai joué sur un peu plus d'un mois, et vraiment pour moi c'était ma petite session crunchy, Je l'ai vécu vraiment comme un animé aussi. C'est ça, comme si je regardais un animé, je jouais vraiment, je crois que max, je devais faire des séquences d'une heure, grand max, où je faisais plusieurs trucs d'un coup, mais en général, j'y jouais plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure, et après, je passais à autre chose, et ça, un peu tous les jours, c'était mon petit rendez-vous du début d'après-midi, et du coup, ça m'a paru beaucoup plus, ça m'a paru vraiment super sympa, parce que je suis pas du tout visual novel au départ, et en fait, ça m'a vachement plu, et j'en ai fait pas mal depuis, donc c'est assez rigolo, parce que ça m'a permis vraiment d'entrer dans ce genre du visual novel, et de comprendre un petit peu les... on va dire, l'intérêt que je pourrais avoir, moi, pour ce style-là de jeu. Et il doit être pas mal sur Switch, tu vois. En tout cas, si la version tourne bien tout, ça je sais pas, priori, donc renseignez-vous. Mais tu vois, si, bah, justement, une petite session dans ton lit, tu joues trois quarts d'heure, voilà, avant de te coucher, tu fais deux, trois histoires, ça peut bien passer. Une petite session sur le trône, à mon avis, c'est jouable, tu vois. C'est voilà. Un petit combat, hop. Et c'est bon, on est tranquille, je pense que c'est jouable. Non, moi, je fais partie des gens qui ont une affaire à faire, et voilà, pas le temps de lire, pas le temps de... Non, mais voilà, mais ça, c'est des philosophies de vie, et c'est important. Parlez-en nous sur le Discord. Non. Mais du coup, je venais un petit peu là-dessus à dessein quand même, c'est-à-dire que Benoît et moi, c'est quelque chose, finalement, on n'a pas, moi, je l'ai déjà dit, hein, c'est pas forcément ma cam, et pourtant, bah, je l'ai pas trop subi. Peut-être qu'à la fin, je commençais vraiment, en fait, quand je commençais vraiment à comprendre là où il voulait à peu près en venir le jeu, j'avais envie que ça se termine, et ça a duré peut-être un poil trop longtemps à la fin. Toi, Maxime, tu l'as quand même plus subi sur la fin. Ouais, moi vraiment, il y a un côté, autant le jeu, c'est impressionnant, tu vois, d'avoir fait tous les persos, des relations, des, voilà, on a dit versions alternatives, je vais pas revenir sur tout, globalement ça tient, enfin, tu vois, mais... il y a trop, il y a vraiment trop, on a cité tous les tropes, tous les twists, tous les trucs, tous les persos. Moi, le jeu, en vrai, je l'ai un peu vomi, tu vois, désolé pour l'image. Vomi. Mais il y a un côté buffet, mais en fait, t'es obligé de tout bouffer si tu veux arriver au bout, si tu veux sortir du resto, faut que tu manges tout le buffet. Ouais. Et vraiment, moi, mon cerveau, j'ai pas la place, en fait, je peux pas, enfin, voilà, j'ai pas réussi à retenir toutes les infos. Il y avait trop de trucs, j'arrivais pas à les placer chronologiquement, les scènes que je vois, les machins, les persos. Et je pense qu'il y a un côté, j'imagine, vraiment pour l'écrasante majorité des gens, tu comprends grosso modo ce qui s'est passé à la fin, mais pas dans le détail. Tu complètes plein de trucs, tu fais genre ouais, le projet Aegis, ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, voilà, machin. Enfin, je pense qu'il y a quand même des points assez capitaux, tu vois, du jeu, juste t'as pas compris ou tu te souviens pas. Et franchement, je remets même en doute la capacité du jeu à te le faire comprendre, en fait, tellement c'est déstructuré, mais juste. En termes de quantité, autant la narration, moi, je la trouve intéressante. Tu vois, le côté, tu choisis un peu le perso que tu vas jouer. Et c'est même bien que ce soit quand même un minimum cadré, comme on l'a dit, à un instant T, on va dire non, lui, faut que tu termines tel combat pour pouvoir faire tel truc. Il te force un petit peu à monter partout. Mais non, c'est juste too much. Pour moi, il fallait faire moins de sentinelles. Tu vois, 13 sentinelles, c'était beaucoup trop. Quoi. En fait, le truc, c'est comme tu le dis, comme ce n'est pas ta compréhension de l'histoire qui te fait avancer, tu peux te laisser porter, en fait. Oui. Tu peux très bien ne piger rien du tout et quand même avancer dans le jeu parce que tu avanceras dans les scénettes et que tu avances dans les combats. Et du coup, je pense que, et de toute façon, moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, mon cerveau, il a fait « Ok, ça, j'ai pas capté, mais c'est pas grave. » Et en fait, j'avance et au moins, j'irai au truc final. Alors que peut-être que Maxime, qui a peut-être une certaine affection pour les détails et les connexions comme ça, peut-être que du coup, t'essayais de tout capter et peut-être ça c'était too much, en fait. Non, mais, ou un constat très simple, tu vois, j'arrive à la fin du jeu, je me dis 426, je suis incapable de retracer son histoire. Et là, pour l'épisode, j'ai relu la page Wiki 426 qui était vraiment nickel. Mais en fait, rien que l'histoire de Izumi 426, machin, on te parle déjà, tu vois, de boucles, le truc avec le code du jeu vidéo, l'XP, des romances différentes. Il importe sa mémoire de clone. C'est lui l'illusion, c'est lui le chat, c'est lui l'illusion de l'autre, machin, pour mettre les mémoires de machin dans les cassettes vidéo. Mais c'est déjà un film qui dure 2h30, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses, rien qu'avec l'arc de ce personnage. Ouais, moi, c'était un peu la même chose que Hugo là-dessus. C'est-à-dire que j'ai fait confiance au jeu. Je me suis dit, de toute façon, ils sont partis dans un délire un peu manga, animé, où on sait qu'à la fin, il y a des gros twists et des retournements de situation. Et je me suis laissé porter par le truc. Et c'est vrai qu'en cours de route, je sais qu'il y a des notions que j'ai un peu zappées ou que j'ai pas forcément cherché à explorer plus que ça. Je me suis dit, de toute façon, à la fin, je vais comprendre ce qui se passe. Ouais. Et moi, ça m'allait très bien, mine de rien, comme ça. Oui, et puis de toute façon, c'est vraiment un jeu, tu joues avec la main dans le slip, hein, pour reprendre l'expression consacrée, parce que t'as vraiment pas grand-chose à faire. Hein. C'est A, et puis voilà, tu passes les dialogues, et tu suis à peu près l'arborescence, et tu t'en sors. Encore une fois, la progression n'est pas dictée par ta compréhension de l'histoire, du coup, ça change forcément le truc. Il y a quand même une espèce de liberté qui nous laisse, à la fois, dont on n'a pas forcément abordé, mais à la fois dans le choix de soit faire des combats, soit faire les aventures, mais tu sais, quand on fait les combats, on débloque des points qui permettent de débloquer un peu le codex. Ouais, c'est vrai. Et là-dessus, on sait pas quel truc on va débloquer. Il y a un petit côté gacha, loterie, où on va débloquer des points du codex qui, bon, globalement, assez souvent, ne servent absolument à rien. Les canettes de soda. Voilà, des explications sur les canettes de soda, sur les fringues des flics ou des trucs comme ça. Les glaces, des choses. Ouais, enfin, y a tout. Il y a vraiment des petits trucs de détails. Tout élément dans le jeu, il est dans le codex, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Et ce que je me disais, c'est que c'est vraiment un jeu qui est fait pour les personnes qui kiffent justement ces petits éléments de lore, tous ces petits détails, ces petits trucs qui peuvent aller vraiment vraiment au bout du bout du bout du truc. Notamment, une fois que le jeu est sorti, dans les interviews, ils ont demandé alors le yakisoba pan, comment vous feriez, etc. Parce que c'est pas un plat qui existe ouais. vraiment. Il y a des vidéos de, où ils en ont parlé de comment faire la cuisine exactement dans le truc. Il y a ce délire un petit peu qui est assez japonais hein, dans l'esprit. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses. Où ils ont voulu vraiment en donner beaucoup, beaucoup pour les gens qui sont très attentifs à tous les petits détails et qui vont s'amuser à essayer de voir si ça colle. Et bon, a priori, c'est vrai que globalement, le jeu se tient, quoi. Des fois, il y a des explications qui sont un peu faciles, genre, bon, bah, c'est un jeu vidéo parce qu'il avait la flemme, ou ils sont 13 parce que c'était l'année 2013, ou voilà, il y a des petits trucs un petit peu, voilà, mais globalement, ça tient, donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Oui, oui, la cohérence du jeu, elle est. En fait, il y en a tellement, de toute façon, dans. Enfin, vraiment, les gens qui se. Partirait dans l'entreprise de découvrir des incohérences, et ben va falloir déjà bien. J'espère que vous avez du temps devant vous parce que c'est quand même. Enfin, cette espèce, comme tu disais, de boule de nœud pour aller voir comment certaines ficelles tiennent pas vraiment entre elles, tu vois, c'est vraiment compliqué. Donc au final, t'en ressors, t'as l'impression que globalement ça tient bien. Mais limite, enfin, tu sais, c'est le genre de. C'est un défi de représenter l'histoire visuellement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut pas juste des tableaux de liège, il faut un tableau de liège en trois dimensions, tu vois. Ouais. Il faut que derrière, il y a un autre tableau de liège et que tu tisses des liens entre les trucs, machin. Tu sais, c'est l'impression. C'est les représentations un peu de données en 3D, machin. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le cerveau humain, il est pas fait pour ça, en fait. Oui, vraiment. Non, il y a too much, et de toute façon, enfin, on viendra dessus, mais même pour le développement, ça a été too much pour eux, donc c'est pas très surprenant que ce soit too much pour nous. Trop de par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Et sachant qu'en plus de tout cet aspect visual novel, histoire des structures, etc., ils ont intégré ce mode RTS, le mode battle, dans lequel on va justement prendre part aux batailles dans les sentinelles, etc. Alors, c'est fait de manière très stylisée. C'est vrai que j'étais un petit peu déçu, moi, quand j'ai lancé ça, parce que ben, dans ma tête, VanillaWare, l'action, c'est vraiment leur force. Et je me suis dit, waouh, des combats de méca par VanillaWare, ça doit être ouf. Je signe direct. Ouais, ouais. Et bon, ben, ça ressemble pas vraiment à ça. Alors, dans les interviews, ils expliquent qu'ils se sont inspirés d'un système un petit peu abstrait qui ressemble beaucoup à ce que des militaires voient vraiment dans des navires ou dans des avions. Enfin, je sais pas exactement ce que c'était, mais en gros, ça ressemble à des sortes de champs de bataille virtuels comme ça. C'est une grille, hein, ouais, vraiment, c'est vraiment une sorte d'interface. Ah, c'est quand même. C'est la représentation de la ville. Oui, oui, on voit une ville par-dessus, il y a des immeubles à l'échelle et tout, quand même. L'échelle, en fait, ils disparaissent quand tu mets la caméra, mais c'est pas une grille, en fait, ce que je veux dire. En vrai, il y a les routes. Oui, et les routes, d'ailleurs, sont le tracé sur lequel on va pouvoir faire déplacer les certains robots qui peuvent se déplacer, justement. Mais un côté un peu prototype, schématique, tu vois, un truc simplifié, quoi. Effectivement. Mais néanmoins, il y a quand même des petites animations à côté pour les attaques. Quand tu vas dans le menu et que tu regardes l'attaque, tu vois quand même une petite animation du robot. Qu'on voit plein de petits missiles et tout, mais c'est vrai que comme toi, tu te dis bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que si on avait eu des combats avec plein de missiles et tout et les animations de VanillaWare, parce que faut le dire aussi, c'est que dans la partie visual novel, il y a quelques moments où ça envoie du pâté, notamment quand les robots arrivent, ou tu sais, ils se téléportent, ça fait bam comme ça, tu les vois arriver, enfin, sur les couleurs, les échelles, encore une fois, on retrouve la patte de VanillaWare. C'est vrai qu'on en a pas du tout parlé pour le visual novel, et c'est quand même une partie importante. Bon, les tableaux, ils sont quand même vraiment jolis. Il y a des choix au niveau des couleurs, ça se passe toujours soit au coucher du soleil, soit dans une ambiance. Un petit peu de couleur qui est très très cool. Il y a une grosse variété de décors, mine de rien, comme il y a les différentes époques, etc. Et c'est vrai que les décors en extérieur et les animations des persos, moi je me souviens que quand on cherche justement de la thune là avec le gars pour chercher ces trucs, tu sais, ça se passe de nuit, il y a cette espèce d'ambiance lumineuse et tout. Enfin, c'est vraiment assez impressionnant, quoi. Et tu te dis, ils ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'au bout du truc, mais si on leur donnait beaucoup d'argent à ces gens-là, ils pourraient nous faire des trucs assez incroyables, je pense. Et là où c'est plutôt malin, c'est que en fait, il n'y a pas tant de décors variés que ça, mais moi je suis d'accord, il y en a pas mal pour le jeu, étant tu continues d'en découvrir même assez tard dans l'aventure, mais il y a cette histoire un petit peu de boucle où t'es à l'école et tout, et donc c'est normal que dans l'histoire tu te retrouves avec l'école. Ça représente la moitié des décors que tu vas avoir dans tout le jeu, mais c'est pas lassant, tu vois. Et puis surtout, c'est normal qu'il le recycle avec des changements de lumière, des changements de couleurs, changements d'époque, etc. Donc en fait, c'est un jeu qui est assez malin quand même dans l'utilisation de ses ressources, parce que encore une fois, c'est vrai qu'on l'a pas forcément précisé, mais c'est un petit studio VanillaWare, hein. Ils sont quoi, sont une vingtaine à temps plein, je crois, en 2015 ils étaient un truc comme ça. Donc ils ont dû monter un peu plus pour la production du jeu, mais voilà, on n'est pas sur un studio qui fait des triple A, quoi, vraiment loin de là. Mais sinon, je reviens vite fait sur les combats. Je trouve que ils contrebalancent quand même pas mal avec les feedbacks, où tu vois, c'est quand même vachement ce que tu disais. Ils s'en sortent pas mal. Il faudrait plein d'explosions et tout. En fait, quand même parfois, t'as des gros tas d'ennemis. Toi, tu fais l'attaque, les missiles, tu les vois quand même, les missiles, les trucs. Et surtout, au niveau du sound design, ils arrivent assez bien. T'as quand même du vrai son de combat. Par exemple, t'as les attaques où c'est des coups de poing, tu vois, c'est un mec au corps à corps. T'entends vraiment les coups de poing métalliques. rallyes contre les trucs et les ennemis ils reculent quand c'est des gros ennemis, donc il y a quand même un effet de choc. En fait, moi ça m'a pas En fait, c'est, j'étais un peu déçu au début parce que tu dis j'espère qu'il y a ça, mais au final, comme tu dis, il y a assez de feedback et tout, et ouais, moi j'ai pas trouvé ça du tout. Ils jouent beaucoup sur l'imaginaire parce qu'on voit quand même à quoi ils ressemblent ces mécas de temps en temps quand on veut les améliorer, parce qu'il y a tout un système d'amélioration avec de l'XP, etc. Mais c'est vrai que bon, voilà, je m'imaginais une espèce de super robot Taizen qui est un jeu de combat de robots de plein de licences d'animés différents. Et bon, voilà, c'est la petite frustration, mais par contre, c'est vrai que comme le dit Max, mine de rien, tu te prends au jeu. Moi qui suis fanat de Tower Defense, je me suis beaucoup retrouvé là-dedans. Alors, on sait pas exactement quel genre de jeu c'est, parce que c'est vrai que c'est très hybride. C'est un mix de pas mal de petites choses. Pour expliquer un petit peu quand même comment concrètement ça fonctionne, c'est-à-dire que pourquoi Tower Defense ? Parce qu'il faut protéger le fameux terminal dont on parlait. Donc, en général, on fait spawner une partie de l'équipe, c'est pas les 13 sentinelles à chaque fois, c'est 6 maximum, comme les Pokémon. Et on les fait popper comme ça. Et après, il y a des vagues de Kaiju qui vont arriver et il faut défendre le terminal de ces vagues. Ils attaquent principalement la tour. Ils peuvent t'attaquer quand tu te rapproches trop de certains ennemis ou quoi, mais c'est plutôt la tour que. On sait que la tour c'est l'objectif. T'en as qui vont te lancer des missiles de très très loin et tous les missiles arrivent, ou des petits drones qui volent et tu sens que tu les vois en ligne comme ça qui débarquent. Et concrètement, c'est en temps réel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a 2 minutes a priori pour le faire. Par contre, le truc, c'est que quand on va choisir une action pour une de nos sentinelles, le temps est en pause. Et ce qui fait qu'en fait, en vrai temps, un combat, il peut durer, 5-6 minutes. Et en fait, ce sera marqué qu'il reste 1 minute 47. En fait, t'auras mis 13 secondes concrètement pour faire tout ce que tu fais. C'est le système de pause active de l'ATB de Final Fantasy, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du full tour par tour, où c'est vraiment chacun à son tour. C'est chacun peut agir au moment où il a le droit d'agir. Il y a une barre exactement, qui se remplit. Et boum, à ce moment-là, le temps s'arrête. En fait, les ennemis, eux, ils sont en temps réel. C'est ça. Toi, t'es en tour par tour et il y a des cooldowns à chaque fois que t'as fini d'attaquer. Et pendant tes cooldowns ou quand t'appuies sur B, là, les ennemis, ils attaquent en fait pendant que ce temps s'écoule. Et c'est pour ça que moi, je suis peut-être un peu vieille école ou quoi, mais moi, je parle pas de RTS parce que moi, j'ai l'habitude StarCraft. StarCraft, Age of Empires, Warcraft et tout, et t'as pas ça. RTS, il y en a pas eu des milliers non plus, tu vois. Mais j'ai pas cette notion. En fait, pour moi, si le temps il s'écoule pas en temps réel, pas du RTS. Si tu peux arrêter le temps, a priori, justement, tu casses le truc du real time et qui est un enjeu, en fait, qui est de justement gérer ton nombre d'actions par seconde, les APM, tout ça. Parce que là, t'as tout le temps du monde pendant que toi, tu choisis ton attaque, machin, il y a pas de risque. C'est pour ça que moi j'avais plus tendance à dire mix tactical tower defense, mais encore une fois, on n'est pas sur des définitions ultra. Pourquoi pas tactical? On disait parce qu'il n'y a pas forcément la grille qu'on connaît dans les Final Fantasy Tactics, Advance Wars, Fire Emblem, mais néanmoins, il y a quand même encore une fois ce petit tracé qui est important parce qu'on a différents types de sentinelles en fait. Il y a différentes générations. Il y en a 4. Ça aussi, c'est sympa. Génération des années 60 ou trucs comme ça où c'est des gros trucs mastoc qui mettent des gros coups de poing et puis au fur et à mesure, elles vont voler, elles vont pouvoir apporter du soutien, il y en a qui tirent plus loin, etc. Ça se ressent au combat, vraiment comme tu as dit, dans les déplacements, il y en a qui sont cloués au sol. Et parfois, c'est chiant, en fait, si tu veux taper un ennemi qui est loin, tu vois qu'il faut faire un détour parce que la route, elle passe pas en ligne droite. Ou alors, tu sais, où t'es bloqué littéralement contre un ennemi, il faut que tu butes d'abord le petit ennemi pour pouvoir passer. Et t'en as qui volent, et du coup, tu le sais, si t'en as qui sont loin et tout, il va falloir envoyer les volants et qui vont faire des attaques un peu plus corps à corps, ou leur tirer dessus très loin, mais c'est pas au petit d'envoyer les coups de poing à l'autre bout de la map, quoi. Donc, ce mode de jeu en lui-même, il est relativement complet. En fait, on se rend compte qu'on peut vraiment, il y a beaucoup de possibilités parce qu'on pouvoir améliorer l'équipement et également le type d'attaque de nos robots. On peut aller assez loin dans le délire de farm, mais globalement, et ça c'est un truc qu'on a appris dans les interviews, en fait apparemment le public japonais aime plutôt quand c'est relativement facile ce genre de truc là, et donc du coup c'est pour ça que le jeu en lui-même, il pose pas un gros challenge. Il a un équilibrage qui est extrêmement et tu passes à travers assez facilement. Moi j'ai tout fait en normal et j'ai eu ma première vraiment petite difficulté à l'avant-dernier combat, littéralement. Et après, même le dernier combat, je l'ai fait en normal, j'ai pas eu de soucis. Et toi, Max, a joué en intense parce que, expert aussi StarCraft, intense, bien sûr. Mais après, pareil, tu vois, sans trop me casser la tête, j'ai fait le truc de base où, tu comprends le jeu, t'as les volants, c'est au sol, tu t'adaptes un minimum, tu trouves un peu des compositions. Quand tu mets des tourelles, c'est super fort. Les tourelles, en plus, elles ont une portée de malade. Les drones, globalement, à la fin, tu t'as même plus besoin de jouer. Moi, c'est vrai que je mélangeais les tourelles, les drones, et puis après, quand même, les grosses broyeuses avec le niveau max, avec même, tu sais, il peut en toucher plusieurs à la fin, il fait une cône comme ça, et là, c'est la destruction massive à chaque coup. Mais par contre, intense, donc j'ai dû faire à peu près je sais plus, presque 80% des combats vraiment sans me casser la tête et sans perdre. Mais il y a eu une mission, là, c'était le pic de difficulté, j'ai rien compris à ce qui se passait. J'ai recommencé 5-6 fois et puis bon, j'ai mis en normal, j'ai fait ok, c'est bon, ça, j'ai abandonné quoi. Mais on a eu tous les trois une expérience différente parce que du coup, moi j'ai tout fait en facile. Ouais, toi tu t'es mis à aller, je roule deuxième dessus. Combat, j'ai fait en facile parce que je m'en foutais un petit peu du système de combat. Sachant que l'équilibrage change radicalement. Enfin, je sais que j'ai fait, du coup, j'étais en normal et je sais plus si j'en ai pas passé un en facile. Et ouais, c'est. C'est difficile, je vois pas comment tu peux perdre quoi. C'est vraiment je crois que tu fais vraiment 1,5 fois plus de dégâts ou un truc comme ça, donc c'est vraiment tu leur fais très très mal par rapport énormément de vie. Déjà la différence entre intense et normal, c'était déjà un gouffre, tu vois, du premier coup j'ai réussi, parce qu'avant j'avais des endroits où ma sentinelle elle mourait mais genre direct, et là c'était elle butait tout le monde elle toute seule, tu vois. Surtout qu'en plus enfin il y a tellement d'options, enfin tes sentinelles, tu sais, si tu commences à voir qu'elle est dans le mal, tu peux la réparer elle-même et tu peux la virer, elle dégage et tout, enfin limite elle est même pas bloquée à un endroit pour se réparer, tu peux en plus la bouger. Ouais, donc c'est vrai que le jeu est vraiment super gentil. Tu sens que cet aspect combat, bah, comme on le disait, pour le public japonais, c'est un truc qui doit juste être vraiment un petit truc un peu divertissant, un petit bonbon pour t'accompagner entre les séquences de jeu narratif. Et c'est vrai que moi, je l'ai vraiment pris comme ça et j'ai plutôt apprécié parce que bah, j'aime bien les tacticals. Alors, on l'a dit, c'est pas tout à fait les tacticals, mais c'est une vibe que j'aime bien, tu vois, la pose active, être un peu à la cool et pouvoir prendre mon temps et voir des petites grilles, voir des ennemis voilà, qui se tirent dessus, des choses qui explosent. J'aime bien, ça me fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, je l'ai, j'ai plutôt kiffé, tu vois. J'alternais vraiment entre le mode histoire et le mode combat et j'ai siroté le jeu jusqu'au bout comme ça. Alors, en vrai, moi aussi, j'ai bien aimé parce que voilà, il n'y avait pas cette prétention. Enfin, tu vois, personne te dit que 13 Sentinels, c'est un tactical, ouais, ou c'est un tower defense. Tout le monde te dit, c'est un visual novel, il y a des combats au milieu. Et les combats au milieu, c'est un peu. Ça rythme, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas un jeu extraordinaire. Enfin, je jouerai pas qu'à ça. Mais si c'est là pour rythmer entre quelques histoires, ouais, il est cool. Et comme dit, moi, j'aimais bien tout ce qui était feedback et tout. C'était et cool. Et pendant une grosse partie de l'histoire, justement, ça permet d'aller toujours dans cette direction, de nous tromper un petit peu. Oui. Parce qu'on se demande, est-ce que ça s'est passé avant? Est-ce que c'est des combats qui se sont passés dans une réalité? Est-ce que c'est dans leurs rêves? Est-ce que voilà, parce qu'en plus, oui, c'est vrai qu'il y a Yuri le matin, elle se réveille, elle se rappelle des combats de robots. Donc pendant un certain temps, ça joue justement et ça fait écho de manière assez intelligente avec l'histoire. Donc au final, ce mode de jeu, même s'il paye pas de mine, il s'intègre bien à leur logique et l'ensemble de ces trois gros modes de. Parce que vraiment, le mode analyse, le mode codec, je le considère comme un mode de jeu à part parce c'est un truc dans lequel moi j'y revenais régulièrement pour lire. Bah, je le vois pas vraiment comme annexe parce que j'y allais souvent, moi, tu vois, vraiment pour lire. Tu vas pas faire progresser, t'as pas une forme de progression. Même si, en fait, c'est ça, il y a quand même une sorte d'économie qui est placée entre tous ces modes. Hein. C'est-à-dire que voilà, les combats peuvent te donner des points mystères qui te permettent de débloquer des choses dans le codex. Il te débloque aussi certains combats, il y a certaines avancées de personnages qui sont qui coïncident avec une certaine vague, c'est-à-dire qu'il faut que tu avances à je sais pas la troisième vague du deuxième monde pour pouvoir débloquer l'histoire de tel personnage. Donc il y a quand même un cycle qui s'établit, c'est-à-dire que tu peux pas te dire vas-y, je fais toute l'histoire et après je ferai les combats. C'est pas possible de le faire comme ça, tu dois et pour terminer les derniers combats, faut que tu termines toutes les histoires. Donc il y a quand même une petite économie et ouais, je pense vraiment pas que le jeu serait mieux sans. Au contraire, je pense pour moi, par rapport encore à ce truc de rendre l'expérience digeste, je pense qu'il est vraiment important. Et encore une fois, bah voilà, ça crée un petit peu de diversité, ça rend l'expérience un peu plus riche et voilà, plutôt réussi pour ce que ça veut faire en fait, pour les ambitions. Et d'ailleurs, il y a une petite symbiose entre le mode combat et le mode histoire, parce que tu vois dans les dialogues, tu vois justement les relations qui se forment un petit peu. Tu comprends sur le champ de bataille que Amiguchi et Yuka, je sais plus quoi, ils sont proches, tu vois, il y a des côtés. En fait, tu le vois surtout quand la barre en fait de vie elle arrive à zéro, il y a toujours un autre perso qui réagit, fais gaffe, prends soin de toi et tout. Et en général, c'est la romance, tu vois, avec qui ils sont. Et t'as aussi des bonus passifs. Encore une fois, bah, Amiguchi, lui, s'il y a des meufs qui sont dans sa team, il fait plus de dégâts. Et s'il y a Yuki, il fait encore plus de dégâts. Donc il y a un petit peu cette réflexion qui a été faite. Quand même des petits bonus passifs comme ça. Ah bah oui, voilà. Est-ce que Bay est là? On sait pas. Sachant qu'ils sont tout nus dans leur robot. C'est vrai. C'est un des premiers trucs que tu vois quand même. Ouais. Voilà, on parlait un peu de l'esthétique. Il y a quelques posts suggestifs. Je me souviens, j'ai lancé le jeu et donc c'est Yuri Fuyusaka qui est à poil dans un truc qui fait comme ça. Donc j'ai envoyé un message à Benoît. Je vais dire ok, ça commence là-dessus. Ensuite, c'est Murimura qui apparaît, donc avec l'esthétique poitrine importante. Je fais très bien. On est donc dans ce genre de jeu. Et je t'avais dit finalement ça va. Il y a un peu que ça. Il y a peut-être deux trois petites culottes qui apparaissent. Voilà. Pourquoi ils sont tout nus dans leur truc? Parce qu'en fait, ils sont réellement tout nus dans leur espèce de capsule. Tout est justifié. tout s'explique, tout s'est justifié. Elle est toute nue parce qu'elle respire avec le soleil. Voilà, comme dans Metal Gear. Exactement. En vrai, il y a vraiment pas besoin qu'ils soient tout nus dans les mécas. Non, non, il y a absolument pas. Non, mais c'est parce qu'ils grandissent dedans, voilà, donc pas besoin de vêtements. Mais c'est leur cocon. Pas dans les mécas. Ben si, parce que les mécas, c'est la capsule. Non, ils sont. Bah alors, mais les combats, ils sont pas physiques, tu vois. Les combats, non, c'est non, pas non, non, non, mais bien sûr, ils ont la capsule. Mais ah oui, mais non, non, vous n'arrivez pas. Non, Monsieur Kojima. Mais oui, c'est pas Kojima. C'est tranquille, il a rien fait. Putain, c'est Kamitani qui voulait des petites filles à poil, c'est pas Kojima. Bref, du coup, on a vu tout ça et finalement, bah pour conclure, c'est un jeu qui, justement, je parlais de Kamitani, et ben qui concentre vraiment tout ce que lui il avait envie de faire. Il y a son amour pour l'ASF, toutes ses références, les années 80 qu'il a mis dedans, de la narration, ça c'est un truc qu'il voulait faire et tu le disais, en plus il y avait un peu les prémices de ça, de narration un peu découpée. Dans Odin Sphere, on a un peu ce truc là parce qu'on joue plusieurs personnages dont les aventures se déroulent un petit peu en parallèle et à la fin les chemins vont s'entrecroiser et se rejoindre, ouais. Donc il y avait ça mais à une échelle vraiment beaucoup plus petite et surtout c'est un truc qu'ils avaient envie de faire depuis longtemps parce que clairement ça reste quand même un gros pas de côté par rapport à leur ADN habituel qui est dans l'action la plus bourrine, enfin vraiment Muramasa c'est un Devil May Cry mais en 2D quoi, ouais, donc, ouais. Donc on est vraiment dans ce délire là et ça fonctionne quoi. C'est ça que je trouve intéressant parce que c'est un jeu finalement qui est très personnel. On parle souvent de jeux voilà où les auteurs les créateurs ils mettent un peu d'eux. Là il a fait que ça, c'est vraiment il s'est dit qu'est-ce que j'aime, il a pris sa liste de likes sur Facebook et il a tout mélangé, il a dit voici un jeu, je mixe tout et je fais le jeu avec. Et du coup ouais un jeu qui tient debout en fait dans sa pluralité, dans son côté assez hybride et tout, qui tient quand même debout même si encore une fois voilà ce sera pas digeste pour tout le monde et même en termes d'univers bah voilà faut rentrer dedans, c'est sûr que ce sera pas la cam. Il faut avoir quand même pas mal de codes au niveau de l'animation japonaise, au niveau des tropes, au niveau des twists, au niveau de ces relations qui vont extrêmement lentement, tu sais, ou juste voilà on se touche un petit peu le bout du doigt et c'est wouhou. Oui c'est vrai qu'il y a ça, tout est moustillé. Il y a ce côté qui est très présent dans les mangas Slowburn etc, donc c'est des codes qu'il faut avoir, mais par contre j'ai trouvé moi vraiment que c'est une super porte d'entrée pour le visual novel parce qu'il y a ce rythme qui peut être fait, vous pouvez faire des petites sessions de 20-30 minutes, vous n'avez pas 4 heures de lecture d'un coup, moi ça m'a vachement plu et depuis j'en ai fait pas mal en fait des visual novels grâce à ça. Et moi ma vision du truc c'est quand même tu vois le côté Kamitani, je trouve qu'il manquait du coup peut-être dans l'équipe une personne, en tout cas une force décisionnelle ou que ça vienne de lui, qui dise pour tempérer oh là, un peu ouais, genre ouais. Oh là mollo, il y a peut-être un peu trop, tu vois, je pense que c'est un projet qui était complètement dépendant de lui, tu vois, peut-être trop, mais bon ça c'est toujours une question, il n'y a pas de réponse parfaite puisque d'autres gens diront que c'est grâce à lui qu'il y a eu le jeu, donc c'est compliqué, mais voilà, étant du côté de l'indigestion, tu vois, pour moi voilà, il y a trop de likes Facebook dans le bol, trop de sentiments, il fallait peut-être une personne qui puisse mettre la main sur son épaule et qui dise on fait 10, t'arrêtes d'en faire 13, t'arrêtes tes conneries quoi. Et puis bah, de toute façon on l'a dit, ça a été très compliqué et vraiment déjà Vanillaware a dit on ne fera plus un jeu comme ça, on peut pas se permettre de passer 4-5 ans de développement sur un projet comme ça, ça a été très très compliqué et même éprouvant en fait pour les équipes hein, de faire tout ce truc narratif. Et de la même façon Atlus a dit plus jamais les gars, plus jamais vous nous faites un truc comme ça, parce que bon malgré tout bah c'est un projet qui a pris beaucoup de retard, il a fallu encore injecter de l'argent etc, il n'a pas eu un succès, c'est un succès d'estime donc c'est cool je pense pour Vanillaware, ça c'est toujours important, mais après sur les ventes ça n'a pas été incroyable, donc a priori il n'y aura pas 22 sentinelles ni 23 sentinelles, on ne devrait pas avoir ça pour la suite, je pense qu'ils vont s'arrêter là, mais encore une fois je pense que justement c'est ce qui fera que c'est un jeu qui sur le temps aura sa réputation et qui restera un petit peu unique en fait. Ouais, parce qu'il y avait toute une tendance, on l'a pas forcément abordé, mais il y a eu toute une tendance pendant pas mal de temps, notamment grâce au Persona, de ces groupes de personnages. Vous savez, il y avait Final Fantasy Type 0 où on jouait justement toute une classe. Il y a toute la série récente là des Legend of Trail. Il y a pas Suikoden où on joue beaucoup de gens. Alors Suikoden, on a 102 personnages, voilà, normal. Mais on va se régaler quand on va le faire. Non, mais en plus t'as pas besoin. Quand on va le faire, pardon. Oui, oui. Bah attendez, vous avez fait des blagues sur Twitter avec des gifs de Uncharted. Et tout, moi je m'en souviens, un jour on parlera qu'est-ce de qu'on de a fait. On s'est fait, toi, tu te rappelles, oui, t'avais fait une blague. Oui, c'est vrai. Ah non, mais en. Toi, tu te souviens de nos blagues. Ah bah, moi ça m'avait fait plaisir. Oui, mais en tant que fantasme. T'as pas besoin des 102 personnages pour finir Suikoden, évidemment. Non, mais. C'était déjà trop. Au-delà de ça, je veux dire, il y a eu cette tendance dans les jeux Jap pendant pas mal de temps. C'était quoi, Trails in the Sky, je crois, les récemment. Où il y a, pareil, tu joues une classe comme ça de lycéens. Et eux, je trouve qu'ils ont vraiment réussi au maximum à exploiter ce truc-là et à faire en sorte que ça tienne. et que ça soit pas lourdingue en fait, contrairement à oui, surtout jeux. Que les archétypes sont, c'est vraiment tous des archétypes hein, les persos, mais ils sont pas si unidimensionnels. Il y a toujours une petite subtilité et tout. Et puis bah, ce qui est bien, c'est de bah, toute façon ça fait partie des codes, c'est que tu vas kiffer, tu vas avoir un personnage que t'aimes bien ou plusieurs, et voilà, c'est ce qui est cool, c'est que j'ai quand même senti un certain attachement, alors que moi vraiment les trucs de lycéen, je crois que je l'ai déjà dit dans l'émission quand on parlait de Life is Strange, ça me casse les noix vraiment, j'adhère pas du tout à ces trucs amour adolescent, ça me saoule. Hugo est né vieux. Non, je suis pas né, non, je suis, mais justement parce que ça me parle plus en fait, ça bah me oui, saoule. Non, mais bien sûr. Je sais pas, ça me saoule, et du coup c'est vrai que j'ai quand même pu rentrer dedans parce que justement c'est pas que ça et ça va plus loin, et ça c'est vrai que c'était sympa pour ça. Mais pour parler d'un autre jeu qui pour moi fait un truc intéressant, c'est Danganronpa, où aussi t'as vraiment une, je dirais t'as peut-être entre 10 et 15 persos aussi, mais l'idée c'est qu'il y a toujours un meurtre et une personne coupable qui est exécutée, donc en fait tu diminues à chaque fois, à chaque chapitre, une narration un peu en entonnoir, voilà, comme ça. Au moins deux persos qui sont plus là, et bah, c'est un peu une récompense en fait d'avoir moins de persos, de se concentrer plus sur les survivants et tout, et moi c'est une progression qui m'avait vachement plu. Et puis ça permet de travailler les arcs en fait au rythme où eux ils le veulent, alors que là encore une fois comme on le disait, on a un peu cette liberté de découvrir les arcs un petit peu quand même comme on le sent, donc forcément ça complexifie les choses. Je crois qu'on a dit assez de choses sur Trace Sentinel. Évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails. Si vous en voulez plus, il y a le wiki, il y a des choses comme ça. On vous des renvoie là-dessus. Des milliers de fils Reddit où des gens ils s'expliquent des trucs mais ultra en fait, complexes. Pas tant que ça, parce que justement, on a discuté. C'est vrai que bon, on peut le confier aux gens. C'est vrai que quand on prépare des émissions où il y a des scénarios qui sont un peu complexes, on sait de YouTube, il y a toujours des gens qui font un travail pour résumer, pour nous, pour rendre les choses un peu plus digestes. Et là, en fait, il y en a pas tant que ça. Hein, non, des non, choses qui ont été faites sur Trace Sentinel, pas un jeu parce que tant cartonné. Exactement. Ça. Donc voilà, c'est pas forcément si évident. Donc on a dû se servir nous-mêmes de l'encyclopédie des wikis, mais voilà, c'était pas forcément évident. On vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le Patreon, le lien est dans la description pour soutenir l'émission. Rappelle aussi que ça y est, on passe en mode été. Il n'y aura donc qu'un épisode en juillet et un épisode en août. Voilà, on n'a pas encore les dates, mais on vous communiquera ça de toute façon sur le Discord. Rejoignez-nous sur Discord. On rappelle que le nouveau livre de Benoît chez Third est, ça y est, il arrive, donc le livre sur Plague Tale, le Visual Making of. C'est the heart of Plague Tale. En fait, si on veut quand même dire ce qui est important, c'est qu'au-delà de Plague Tale, c'est vraiment tous les process, toi, que tu as pu découvrir aussi vraiment. Oui, oui, de toute façon, moi, le bouquin, je l'ai surtout apprécié pour ça, c'est parce que j'ai pu voir de l'intérieur une production de jeux vidéo depuis la toute fin de la pré-prod, hein, vraiment, parce qu'ils venaient à peine de sortir le premier Plague Tale, hein, et ils étaient en train de faire leur virtuel, ce qu'on appelle la vertical slice, donc vraiment leur première version un peu proto pour voir si la suite allait marcher, et j'ai vu le jeu quand il ressemblait à rien, qu'il y avait des trucs tout gris et tout, beaucoup de choses qu'on ne voit jamais d'habitude. Ils m'ont donné accès à des documents que je reverrai plus jamais de ma vie, j'ai vu leur budget de production, j'ai vu leurs trucs, les plannings, les machins, des dossiers qu'ils ont envoyés au CNC pour demander de l'argent et tout, enfin j'ai vraiment vu des tonnes de documents que personne d'autre ne me montrera un jour, donc voilà, c'est un peu une occasion unique. Je sais pas si je referai ça un jour, mais si c'était pas le cas, c'était cool tant que ça a duré. Très bien, on se retrouve donc pas dans deux semaines, mais peut-être un peu plus pour le prochain épisode. C'est quoi le prochain épisode? C'est Returnal, a priori. Oui, voilà, on va parler de Returnal, et puis après on terminera par vous savez quoi, grande aventure dans l'espace. Merci de nous avoir. Je suis Xerve et j'approuve ce podcast. On se retrouve la prochaine fois. Salut. Ciao. Ciao. 重なった星は